Salut à tous et bienvenue pour ce rétro podcast. Aujourd'hui, il va être question de la saison 95-96 et du parcours des clubs français lors de cette superbe année avec trois clubs français qui ont fait un parcours vraiment plus qu'honorable. Et avec moi cet après-midi, j'ai Gabi. Salut Gabi. Salut à Yannick et Nico, salut. Et j'ai Yaya avec moi. Salut Yaya. Nico, salut Gabi. Alors, que retenez-vous de cette saison 95-96 au niveau des clubs français et même en général cette saison-là, est-ce qu'elle vous a plu? Vas-y Yannick, tu laisses parler. Hein. Oui, alors moi, bien sûr, ce qui m'avait plu, c'est la GOCR qui avait fait son doublé avec le championnat la Coupe de France. C'est une grosse surprise quand même. Grosse surprise, et tant mieux pour les JOCR parce qu'on Oui. avait besoin de clubs comme ça. Et puis bah, la victoire du Saint-Germain contre le Rapid de Vienne. C'est ça qui était vraiment aussi extra pour cette saison-là. Donc c'était pour la fois avec l'Olympique de Marseille qu'on avait gagné la Ligue des Champions, bah, là maintenant c'était la Coupe des Coupes avec le Saint-Germain. Voilà. Et toi, Gabi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette saison? Quel souvenir tu en as? Moi, c'est surtout le parcours du FC Nantes en fait qui m'avait marqué plus que quand même le PSG, parce que bon, le PSG, ça, c'était un peu en demi-teinte, mis à part Parme et Deportivo La Corogne en demi. Voilà. C'était une coupe un peu bancale au niveau de la compétition. Le niveau était pas très très relevé, Voilà, j'ai c'est assez trouvé. facile quand même, oui. Et pour tu arrivais quand même en quart ou en demi sans forcément rencontrer des grosses équipes quoi. Et puis par contre la Champions League c'était toujours le format avec très peu d'équipes et directement qualifié pour les quarts de finale je crois, si je me Oui, trompe plus. toujours, oui. Et en fait bon tu t'avais quand même la grande Juventus de l'époque, le FC Nantes c'était une sacrée équipe aussi. Sinon, moi j'avais bien aimé le parcours de Bordeaux aussi en UEFA avec l'exploit contre le Milan AC, le 3-0 au Parc Lescure au match retour. Ça, on en reviendra, mais c'est vrai que ça fait partie des matchs comme en 92 avec le PSG contre le Real. Voilà, c'est l'enjeu qui avait été. Ils étaient menés, enfin, ils avaient perdu 2-0 à l'aller, ils gagnent 3-0 au retour. Voilà, ça, c'est des matchs qu'on a envie de vivre. Et c'est vrai que voilà, c'est un sacré souvenir aussi, hein. Et Et comme tu... Auxerre, vas-y, vas-y, Yannick. Ouais, non, mais comme tu disais, c'est des super matchs comme dit Gamy, Bordeaux et Milan aussi. Je sais pas si vous vous rappelez aussi du Barcelone-Metz aussi, c'était vraiment des Années matchs 80, exceptionnels aussi. 84-85, ouais. C'est pareil, c'est super, quoi. Ouais. Eh ben moi je vais parler un peu aussi de mon ressenti parce que bon moi c'est vrai que le football je l'ai découvert assez tard parce que moi j'ai pas une famille de footeux donc c'est un peu par hasard que j'ai découvert le foot et c'est vrai que la saison 95-96 c'est vraiment la première saison où je me suis vraiment j'ai commencé vraiment à m'intéresser au football et c'est vrai qu'elle m'a énormément marqué parce que bon voilà le parcours du Paris Saint-Germain ils avaient pas non plus une équipe exceptionnel. Pour moi, l'équipe de 96 est moins forte que l'équipe de l'année d'après où ils étaient finalistes. Je trouve qu'il y avait moins de... Enfin, il y avait des très bons joueurs, mais je trouve que l'année d'après, le PSG avait une équipe encore plus forte. Ouais. Voilà, donc ce parcours-là, bon bah en plus à l'époque, c'est vrai que c'était beaucoup retransmis sur la télé nationale gratuite, donc on pouvait en profiter. Le parcours de Bordeaux aussi qui était vraiment exceptionnel parce qu'on en reparlera, mais ils ont quand même commencé par la Coupe Intertoto avant de commencer par la Coupe UEFA. Ouais, c'est ça. Et voilà, et bon le FC Nantes aussi, voilà, c'est vraiment une équipe que j'avais beaucoup appréciée à l'époque. Vraiment un jeu qui n'avait pas les autres équipes. Voilà, le jeu à la nantaise, c'était beau, quoi. C'était beau, Ouais, c'est une marque de puis fabrique, ouais, hein. une marque de fabrique, voilà. C'est vrai que cette saison-là, pour moi, j'ai pas un souvenir d'avoir revécu autant d'émotions que cette saison-là, quoi, en fait. Ouais, et sur toutes les compétitions, tu veux dire, ouais, Ouais, c'est ça. voilà, ouais. Ouais. Et puis t'avais l'euro après en plus, Parce que pour le quand même, bouquet. ouais, en plus, voilà. Puis là, c'est quand même la seule année où t'as deux équipes en finale. Même une équipe en demi-finale, c'est le meilleur parcours rêvé pour des clubs français, quoi. Ah, c'est sûr, mais tu voyais qu'à l'époque, quand même, tu sentais que tu avais une génération compétitive qui pouvait justement aller loin sur le plan international dans toutes les Exactement. compétitions. Et l'arrêt Bosman n'avait pas encore, enfin ça marchait, ça avait été voté, mais bon, il n'y avait pas encore tous ces transferts à l'étranger ou quoi que ce soit. Tu avais encore des équipes françaises avec leur principal effectif. Il y avait encore beaucoup de Français qui jouaient dans les équipes à l'époque, quoi. Ah ouais, t'avais une identité du club avec les joueurs du pays en fait. Voilà, avec Comme... centre de formation et trucs comme ça, quoi. Ouais, exactement, ouais, ce qui est rare aujourd'hui, quoi. C'est vrai. C'est fini, ça. C'est fini, il dit carrément. Ça maintenant, ça m'étonnerait qu'on puisse revoir ça. On va Ouais. commencer par. Vous voulez commencer par quelle compétition? On va peut-être commencer par la Ligue des Champions, parce que c'est peut-être Ouais. le plus rapide. Oh, au niveau, il y a moins de matchs, Voilà, ouais. il y a moins de matchs. Donc le FC Nantes qui avait gagné le championnat l'année précédente, voilà, qui se retrouve en Ligue des Champions. Et qui tombe dans un groupe à premier abord assez abordable avec le Panathinaikos, le FC Porto et Aalborg. Bon, c'est vrai que c'est une première. C'est pas non plus un groupe de la mort. Hein, avec le jeu nantais, je pense qu'il y a de quoi faire. Et pourtant, ça commence pas très très bien pour Nantes. Parce que je crois que le premier match, il tombe contre le Panathinaikos, je crois, Ouais, le premier match, ouais. si je me trompe pas. Et Ouais. ça se solde par une défaite. Ouais, 3 buts à 3 1 trois à buts à Athènes. 1 à Athènes. Donc là, ça commence déjà très mal pour cette équipe nantaise. Tu l'avais vu, Yannick, toi, ce match? Non, pardon, excuse-moi, c'était contre Porto avec 0-0 le premier match. Parce que je suis en train de regarder, ouais. C'était ça, ouais. 0-0 le premier match. C'est ça? Voilà, à la Beaujoire, c'était contre Porto, il y a eu Ouais, 0-0, 0-0. ça l'est fait. Bon, Porto, c'était sûrement l'équipe la plus peut-être la plus forte de ce groupe. Encore que les équipes grecques à l'époque, elles étaient quand même assez fortes, hein. Panathinaikos, Olympiakos, c'était des équipes qui n'étaient pas faciles à jouer non plus, hein. Ouais, bah c'est le club, c'est la Grèce, donc c'était des défenses fermées, donc c'est assez difficile, quoi, c'est Puis bon, sûr. c'était pas non plus, c'était pas les équipes grecques de maintenant où c'est devenu un cimetière d'ancienne gloire ou un cimetière de vieux joueurs, quoi. Mais comme Gamy m'a demandé si je l'avais vu ce match-là, sincèrement, j'ai plus de souvenirs de ça, je me rappelle plus. Je sais pas, tu l'avais vu, Gabi, non? C'est ça? Panathinaikos FC Nantes, ouais, je l'avais vu. Ouais. Il y avait eu plein d'erreurs individuelles. Je me souviens du match. La sensation que j'avais eue, je me souviens, c'était qu'il y a Nantes était pas du tout concentré sur ce match-là. Il l'avait pris de haut, si je me souviens. Et il y a eu des erreurs individuelles qui ont fait que Nantes a coulé à un moment donné du match. Par contre, le Nantes-Porto, le premier match, ouais, le match nul. J'ai pas du tout, je l'ai pas vu ce match-là, j'ai pas souvenir d'avoir vu ce match de toute façon le FC Porto quand tu connais cette équipe, c'est une équipe qui a une culture défensive donc le Voilà. 0-0 la limite c'est pas surprenant quoi. Bien sûr. Donc ça commence par un match nul, ensuite une défaite, donc c'est pas très bon pour le FC Nantes pour le moment. Et puis bon, le troisième match, ils affrontent l'équipe la plus faible de ce groupe, c'est Aalborg. Et là, première victoire, assez facile, 3 buts à 1. Bon, c'est le minimum syndical de toute façon, hein, parce que. Bon, perdre contre Aalborg, hein, c'était même pas la peine, c'était fini. On pouvait dire au revoir, surtout qu'en plus à l'époque, il n'y avait pas de qualification. Le troisième n'était pas qualifié pour la Coupe UEFA, hein, c'était fini. Hein, les deux premiers étaient qualifiés, et après c'était si Ah, t'étais troisième ou quatrième, tu rentrais chez toi, quoi. ouais. Et puis là, dans ce groupe-là, t'as Porto Pardon. qui finit troisième. En plus, oui. Nantes passe devant grâce justement à la victoire contre Aalborg. Ça joue à rien, hein, c'est vrai. Voilà. Et à savoir, il y avait Gourvennec qui était au FC Nantes, qui maintenant qui est entraîneur Girondins de Bordeaux. Donc, il y avait une sacrée équipe quand même avec Coé, Darrocha, Makelele, Ah, il y avait une sacrée équipe, hein. De toute façon, Pedros. t'avais la plupart de ceux qui étaient champion de France l'année d'avant, à part Loco qui était parti du Paris Saint-Germain. Après, je crois pas qu'il y avait eu beaucoup de transferts pour le FC Nantes à part Loco. Ben Doran aussi, il jouait Doram, non, mais aussi. il était resté, il est parti l'année d'après Doram à Monaco, mais non, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu énormément de changements, de gros changements, je veux parler pour le FC Nantes. Donc ensuite, le quatrième match et le match retour à Aalborg, là Nantes ne tremble pas, 2 à 0, pareil c'est le service minimum, et entre-temps, Le Pana et Porto font 0-0, donc déjà c'est une bonne chose de faite pour Nantes, qui peut entrevoir déjà les quarts de finale, si ce n'est déjà fait, parce que même Porto avait perdu le match d'avant contre le Panathinaikos à domicile en plus. Bon, le Pana qui est seul en tête, qui est pratiquement qualifié à ce moment-là. Après, moi là, Aalborg-Nantes, j'en ai vraiment pas. J'en ai aucune, Aucun souvenir. aucun souvenir de ce match-là. Moi non plus, je te rassure. Moi non Je plus. j'avoue que j'en ai aucun souvenir. Bah, t'as une victoire du FC Nantes 2-0 là-bas, c'est tout ce que je vois dans les stats, mais après. Voilà, j'ai pas vraiment de souvenir. S'il y a le match contre Porto, que je me souviens tout petit peu, avec deux buts de Pedros exceptionnels, là, donc c'est l'avant-dernier match, où ils arrivent à faire deux partout contre Porto. À Porto en plus. Deux buts de Pedros, dont un truc, une frappe de je sais pas, de venu bien avant la surface. Je crois que c'est une espèce de frappe, une frappe pure, quoi, qui passe sous la barre. C'était vraiment un but exceptionnel de Pedros. Encore un ballon perdu et récupéré heureusement par Laurent Guyot. Un ballon donné en profondeur pour Pedros. Ouh là là là, les buts! Et but Oh, de quel beau but de Pedros! Pedros! Superbe but de Pedros Oh, quel beau but qui a de profité Pedros! de ce contre pour lober Vitor Bayard. Rien à dire, rien à faire. C'était Et remarquable. c'est un début de match où les défenses ont beaucoup, beaucoup de mal. Voilà, bon, ils font deux partout. Nantes est pratiquement qualifiée. Et le dernier match contre le Pana, 0-0. C'était au mois de décembre. Et en même temps, Aalborg et Porto font deux partout. Voilà, la messe est dite. Le Pana est premier. Nantes, deuxième. Nantes qui revient assez de loin quand même. Hein, parce que, comme on avait dit, c'était mal parti. Mais il a fallu quand même attendre des faux pas, en fait, de Porto. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, Porto, là, je vois sur la dernière journée, si Porto il gagne, logiquement, non, ils sont pas qualifiés, parce qu'en fait, non, t'as fait match nul à Porto, il y a 2-2 à Porto et 0-0 à Nantes. Ouais. Donc je pense que s'il y a l'histoire encore du but à l'extérieur en groupe, là, qui compte double, je sais pas s'il l'avait fait, ça, pour les Je sais groupes, pas, tu je m'en vois. souviens plus de ça par contre. Quoi qu'il arrive, je pense que Nantes aurait été devant. Parce que là, il aurait fallu peut-être que Porto gagne avec 3 buts d'écart ou Sûrement, 2 ouais. buts d'écart à Aalborg. Parce que là, tu as un goal average avec le FC Nantes qui a 8 buts pour et Porto 6 buts. Ouais. Donc en fait, il aurait fallu peut-être que Porto gagne avec 2-3 buts d'écart là-bas. Je sais pas comment s'est déroulé le match là-bas, mais je pense qu'ils ont laissé, comment dire, leur concentration filer à un moment donné, parce que faire 2-2 à Bah, Aalborg, Aalborg en c'est plus, voilà, contre-performance. c'est vraiment on peut dire le petit poussé, mais c'est pas vraiment le petit poussé, mais c'est l'équipe la plus faible Ouais, de c'est ce une équipe groupe. qu'on n'a même pas revu cette équipe-là après dans Aalborg, non, Champions c'est League, plus hein. Copenhague Ouais, qu'on qu'on voit a le vu plus après. souvent. Ouais, Copenhague, ouais, Aalborg. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait comme joueur qu'on peut connaître à Aalborg. Alors là, sûrement un Christensen, sûrement. Grongier, j'espère Grongier, ça me dit quelque chose. Grongier, là. Grongcler. Grongier, ouais, je sais pas Ouais, comment. peut-être il a fait la Coupe du Monde Ouais, 98, c'est sûrement possible. Bo Andersen, Rasmussen. Ou 94 hein, avec le. Non, il a pas été. Hein. Non. Non, mais par contre l'Euro 92 avec Ah oui, le avec Danemark, le il y Danemark, avait ouais. peut-être ces joueurs-là. Ouais. C'est Voilà. possible. Donc grosse contre-performance. Donc le FC Porto passe à la trappe. Et donc c'est Nantes qui termine deuxième. Nantes qui se retrouve en quart de finale. Donc je vais rappeler un petit peu les qualifiés pour ces quarts de finale. Donc Panathinaikos Nantes, le Spartak Moscou, le Legia Varsovie. Donc ça, c'est déjà, c'est des surprises. Quand tu regardes le groupe B, en plus, tu pourrais jamais revoir ça maintenant, de Ouais, toute c'est façon, un parce groupe que d'Europa League, hein. voilà, c'est Spartak Moscou, Legia Varsovie, Rosenborg et Blackburn. Très décevant Blackburn en plus, hein, parce qu'ils avaient une grosse équipe, ils avaient gagné la première ligue l'année d'avant. Il y avait Shearer qui était dans cette équipe-là. Bon, je crois qu'après il avait signé l'année d'après à Newcastle. Newcastle, ouais. Blackburn qui termine dernier. Et donc Spartak Moscou et le Legia Varsovie qui sont qualifiés. Groupe C, Juventus, Borussia Dortmund, Steaua Bucarest et Rangers, les Rangers. Donc Juventus et Borussia qui sont qualifiés. Groupe D, l'Ajax Real. Déjà, ça c'est déjà un groupe un peu plus Ah ouais, relevé. c'est un sacré groupe là. Ferencváros, une équipe hongroise. Alors, est-ce que vous vous souvenez de Ferencváros? Du but de Ginola, c'était contre Ferencváros, ça devait être en Coupe UEFA, je pense. T'as un corner, t'as Ginola qui fait un coup du sombrero sur un défenseur et qui la reprend directement de demi-volée sous la barre, en fait. Non, Ça devait ça être m'aurait été. l'année suivante, ou, ouais, ça devait être l'année suivante, je pense. En coupe, ouais. En Coupe UEFA, je pense, ouais. C'est en coupe des coupes, tu veux dire, ouais. Coupe des coupes En l'année Coupe des prochaine, Coupes, l'année ouais, après. Coupe des Coupes, peut-être, ouais, voilà. Donc Ferencváros et Grasshopper, donc l'Ajax et le Real qualifiés. Donc voilà, ça fait encore des. Nantes aurait pu tomber contre Gros quand même, hein, parce que tu avais Juventus, Borussia, l'Ajax, le Real. Ils tombent finalement contre le Spartak Moscou. Bon, voilà. Match aller à Nantes. Victoire 2 à 0. Mais je pense que Nantes aurait pu gagner beaucoup plus. Ils ont loupé énormément Occasion. d'occasions, surtout Weidek, qui a loupé énormément d'occasions. Mais ils parviennent à gagner quand même 2 buts à 0. Je sais pas si vous avez des souvenirs de ce match. J'en ai un petit peu plus de souvenirs de ce match-là, par contre. Je pense que Un match je l'ai pas vu moi ce match-là non plus. J'ai Moi, je vu l'ai vu, Juventus c'est sûr. Real plutôt. C'est sûr, je l'ai vu, mais comme tu dis, il y a eu des occasions perdues. Mais par contre, Nantes avait quand même fait un bon match face au Spartak de Moscou parce que il savait très bien qu'au retour, ça allait être dur et voilà quoi. D'autant Donc, maintenant, c'est un peu plus facile de remporter un match en Russie, et encore, ça dépend des conditions climatiques, mais maintenant, c'est un peu plus facile de gagner. Autant à l'époque, c'était quand même vraiment beaucoup plus difficile de jouer en Russie, tu claquais des dents quand t'allais là-bas, parce que c'était vraiment des matchs vraiment difficiles, quoi. Mes souvenirs, si je me rappelle bien, au match retour, je sais que le terrain était vraiment gras et assez froid. Et si je me rappelle, ça avait été dur aussi pour le FC Nantes quand même, parce que Spartak Moscou se devait gagner au moins 3-0 pour se qualifier. Surtout qu'en plus, le truc, c'est que Nantes donc gagne 2 à 0 au match aller. Si mes souvenirs sont bons, le Spartak Moscou revienne à 2-2, à 2-2. Il marque déjà les deux premiers buts en première période où il marque les deux premiers buts déjà. Donc le Spartak Moscou revienne à deux partout. Donc déjà Nantes, ils sont déjà au pied du mur parce qu'ils sont pas sûrs d'aller en demi. Et après, bon, ils arrivent À se à reprendre. se reprendre et puis finalement ils feront deux partout. Et direction les demi-finales, où là, bon ben là c'est obligé de tomber contre une grosse équipe. Et encore, tu avais le Panathinaikos qui avait battu le Legia Varsovie, mais bon, ça c'était sûrement l'équipe la plus faible de ces quarts de finale. Donc demi-finale Ajax contre le Panathinaikos. Et enfin ce fameux Juventus-Nantes. Cette fois-là, je pense que tout le monde a des souvenirs Ce de match, ce match, surtout le match aller, où il y a eu quelques petites et erreurs. des erreurs d'arbitrage et Voilà. tu sentais que Nantes avait déjà parti perdu même au bout de 10 minutes, tu sentais qu'il Voilà. y avait un truc qui était pas net au niveau de déjà l'engagement des Turinois qui avaient une carrure physique largement plus grande que n'importe quel Nantais à l'époque. Ils avaient déjà entrepris le travail musculaire sur les joueurs en Italie. Ouais. Et physiquement, c'était vraiment des monstres sur le terrain. La Juve, il y avait une intensité que tu n'avais jamais vue dans les matchs de groupe d'avant. Mais Nantes s'en sort bien quand même parce que bon, ils arrivent à marquer, mais le but est refusé pour un hors-jeu inexistant parce que c'est un tir de loin en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un tir de loin de Wedek. Ouais. La balle rentre, il y a but et l'arbitre siffle un hors-jeu. Exactement. Mais hors-jeu à quel moment hein. Enfin, l'arbitre siffle, après le commentateur dit à hors-jeu. Alors est-ce que il y a vraiment, il a sifflé pour un hors-jeu ou pour autre chose, on sait pas. Mais c'est une faute imaginaire et durant tout ce match en fait, tu vois comment il s'appelle Siodo sur le banc de touche qui s'agite, qui va voir le quatrième arbitre, qui arrête pas de gueuler après la décision arbitrale et à la fin du match carrément il va aller voir la télé française pour dire tout ce qu'il a sur le cœur et tout ce qui s'est passé sur ce soir-là sur ce match-là quoi. Et donc malheureusement le FC Nantes perd 2 à 0 et là par contre bon le match retour est beaucoup plus difficile. On espère un exploit mais c'est quand même assez dur. Et malheureusement, bah, pas d'exploit pour le match retour. Pourtant, on voit un Nantes conquérant. Je me souviens un peu de Nantes conquérant. Malheureusement, ils perdent. Enfin, ils gagnent. Ils gagnent 3-2, mais sur l'ensemble des deux matchs, malheureusement, ça les fait perdre 4-3. Quoi. Parce que sur ce match-là, t'as la Juve qui ouvre le score. T'as Nantes qui fait une superbe entame de match et tout. Tu penses qu'ils vont réussir à remonter le score? Tu sais, c'est un match vraiment. Bah, t'as le public qui est derrière déjà aussi. Ouais, voilà, c'est. Il y a une énorme pression des Nantais. Et puis malheureusement, sur un contre, ils se prennent un but par Viali qui fait un superbe geste technique. Et il y a déjà 1-0 pour la Juve, si je me souviens. Oui. Et ensuite, t'as Nantes qui arrive à revenir et qui gagne 3-2 sur la fin du match avec. J'ai vu là, c'est Renou qui a mis le troisième but c'est un remplaçant, je pense. Oui. Et t'as deux croix qui a marqué aussi, je crois. Bah le premier but c'est un peu bizarre parce que tout de suite il l'accorde à Capron le but. Ah c'est ça, je m'en souviens. Mais en fait en regardant bien la vidéo, tu vois que à la fin c'est deux croix qui touche le ballon. Ouais, elle est sur la ligne, c'est ça. Voilà, elle est sur la ligne, mais à la fin c'est deux croix qui touche le ballon. Gourvennec. Oui. Elle est rentrée. Elle est rentrée. Et il a but. Elle est rentrée. Non, il a but de toute façon après. Mais elle était rentrée. J'ai l'impression qu'elle était rentrée, oui. Effectivement. J'ai l'impression qu'effectivement elle était rentrée. Sur la tête de Capron. Et finalement c'est deux croix qui marquent. Elle est rentrée, oui. Incontestablement. Elle était rentrée, oui. Elle est rentrée, le ballon avait franchi entièrement. Mais heureusement que ça s'est mieux passé par la suite, car ce but-là, il ne l'avait pas accordé l'arbitre, c'est par la suite, le premier coup de tête est victorieux, le ballon était bon et voilà, bon c'était un superbe match en fait. Ah ouais, franchement, mais là, par contre, celui-là, je m'en souviens vraiment, vraiment bien et j'étais pour. À l'époque, j'avais pas trop d'équipes que j'aimais bien regarder le PSG, Nantes et trucs comme ça, mais là, je me souviens, je m'étais enflammé pour ce match-là, quoi. Ouais. Et après, je sais pas, même tu vois, en gagnant 4-2, ils étaient toujours pas qualifiés, donc tu savais que c'était terminé, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Mais ils ont réussi quand même, sans être qualifiés, à battre la Juventus. Le futur champion. Voilà. Ouais. Mais bon, la Juventus avait quand même Viali, Del Piero, donc il y avait une sacrée équipe. Ils avaient une sacrée équipe, hein. Tiens, si j'ai la feuille de. Enfin, j'ai l'équipe, Peruzzi au but. Ferrara, Pesotto, Torricelli, Vierchowood, c'est ça? Vierchowood, ouais. Vierchowood, ouais. Voilà, c'est ça. En milieu de terrain, t'as Polo Souza, Deschamps, Conte, et puis en attaque, t'as Viali, Piero et Ravanelli. Il n'y a pas mieux en attaquant, quoi, voilà. À cette époque-là, c'était le trio. Ça, c'est des joueurs qui faisaient rêver, ça. Voilà. Ouais. Et t'avais encore Jugović et Consort sur le banc de touche. Bah, t'avais Rampula au but, Jugović, Di Livio, Padovano, Porini. Voilà, enfin, c'était pas une équipe de branleurs, quoi. Hein. non, mais c'est vrai. Non, mais dans tous les sens du terme, quoi. Voilà. Non, mais bon, Nantes pouvait sortir la tête haute quand même. Mais comme tu dis, ils ont très mal commencé ce. Enfin, c'est un peu bizarre parce que je sais pas quel sentiment on peut avoir vraiment sur leur parcours parce qu'il a très mal commencé. Sur des coups de chance, ils ont réussi à terminer Deuxième. deuxième. Parce qu'ils ont gagné les matchs qu'il fallait gagner. Aalborg, voilà, ça c'était au moins le match, les deux matchs à gagner. Ils l'ont fait. Après, ils ont fait. Ils ont réussi à faire un match nul contre Porto. Voilà, c'est pas non plus un parcours exceptionnel. C'est pas une continuité, quoi. C'est Voilà. de chicane quand même. Mais malgré tout, c'est un bon parcours. Et puis bon, bah malgré la non-qualification pour le match retour, il y a eu quand même un sacré engouement pour cette demi-finale retour. Et ça peut rester dans un match de légende. Enfin, pas forcément de légende, ça pourra pas remplacer un PSG Real de 93, mais bon, tu vois, c'est un beau match quand même à revoir de temps en temps, quoi. Mais c'est un bon match historique quand même, quoi, Ah bah c'est parce historique que quand même, voilà. Bon. Mais tu et savais comment tu savais qu'en regardant Nantes, de toute manière, tu allais avoir un beau spectacle dans le match, quoi. voilà. Même si tu avais quelques joueurs qui n'étaient pas concentrés sur toute la durée du match, tu avais quand même des artistes comme Pedro, Swedek, même comment dire. Il y avait Ziani aussi à l'époque déjà ou pas? Ziani, je sais pas. Papa. Je crois Je que c'est sais la saison plus. d'après qui vient Ziani. Ouais, mais tu avais quand même des super joueurs au niveau toucher de balle qui... De toute façon, même je veux dire, même si Nantes avait peut-être perdu d'avance la qualification pour la finale, tu savais que tu allais avoir quelque chose, tu allais avoir une consistance pendant le match, quoi. Et il y aurait eu, je veux dire, il y aurait pas eu le but d'ouverture d'entrée de la Juve. Je ne sais pas s'ils auraient pu faire comme Bordeaux et Milan, C'est Bordeaux vrai. contre Milan, tu vois. Je pense que si Nantes avait ouvert le score, ça aurait changé parce qu'en plus avec je te dis avec le stade Ouais, qui était qui plein. poussait à fond et je sais pas si on a revu un tel engouement En Coupe d'Europe pour Nantes, en ouais. Coupe d'Europe pour Nantes, parce que même leur qualification là dans les ben, début En 2000, en 2001, 2000-2001, bon il n'y avait pas autant, là? Ouais. Pareil. c'était pas pareil, Non. c'était plus le Nantes encore, ça jouait bien, mais c'était plus le Nantes qu'il y avait, et il y avait un sacré engouement. Je pense que ça aurait pu changger complètement la physionomie du match. Après bon, c'est des on-dit quoi. Hein. Et là Ouais. j'ai la compo là du match retour pour le FC Nantes. Donc t'avais Casagrande au but, Jean-Marc Chanelet, Christophe Pignol, Eddy Capron, Éric Decroix en défense, en milieu de terrain Ferry, Makelele, Coé, Ouais. et en attaque Wedek, Endoram et Kozeki. Ouais, voilà. T'avais un sacré milieu de terrain, Makelele, Coé, c'était Voilà. super, hein. Ouais. Ouais. En plus, c'est vrai qu'il avait joué à Caen. Coé, il avait joué à Marseille et à Caen après, ouais. Ouais, c'est Et il ça. était allé à Paris l'année d'après. Il a joué à l'Inter de Milan aussi. Lui. Oui. Ouais, il a fait pas mal de clubs italiens aussi, ouais. Ouais. Ah ouais, non, c'était une belle équipe hein, aussi, cette équipe de Nantes. Par contre, Malheureusement, ben, on voit plus trop. Maintenant, le Nantes actuel n'est plus. Il n'y a plus le même jeu. Ça, tout, ils ont tout c'est perdu. incomparable. C'est C'est incomparable, voilà. incomparable. Ouais, mais pourquoi pas? Parce qu'il y a eu quand même l'acte de Suédo, comme disait Gabi, c'était Exactement. quelqu'un de. Parce qu'il y était depuis un moment. C'était un super inventeur. Ouais, t'avais une entité comme à Auxerre avec Giroud, c'est Voilà, pareil. exactement, ouais. Ça fait pareil. Et donc, Tout à fait. vous vous souvenez un petit peu de cette finale Ajax Juventus avec le Ouais. but. Moi, je me souviens de ce but de Ah Ravanelli oui. là, complètement Excentré sur la relaxant ligne. sur la ligne et puis le ballon qui roule tout doucement dans le but. Attenzione, c'è un po' di imprecisione, Ravanelli, Ravanelli, attenzione, attenzione, gol! Sfruttando un errore di Fendebur, Ravanelli porta in vantaggio la Juventus quando siamo al 12° minuto. Gol di Fabrizio Ravanelli, Juventus 1, Ajax 0. Ce maillot de la Juve, pour moi, il est vraiment très. Enfin, moi, je trouve super joli ce maillot-là, Ouais, avec la grosse super. étoile sur Sur la le. manche. Ouais, Ah sur le. oui. C'était le. Comment dire C'était à Rome en plus, en Italie, la finale. Oui. Donc, t'avais à l'entrée des joueurs, t'avais la musique de. Je sais plus quel chanteur d'opéra. Et à l'époque, il n'y avait pas la musique de la Champions League. Il y avait le chanteur d'opéra italien qu'ils avaient mis, là, un peu comme Pavarotti, mais c'était pas lui, je sais Ouais. plus qui. Ah Et ça faisait une ambiance théâtrale, un ouais, peu, tu d'accord. sais. T'as des superbes vidéos sur YouTube où tu vois les supporters de l'Ajax qui avaient filmé avec des caméscopes dans les tribunes. Ah ouais, d'accord. Et tellement le spectacle était impressionnant à Rome, en fait, pour l'époque. Il s'est arrêté de support de chanter les chants pour écouter le chanteur d'opéra. Ah ouais. Ouais, ouais. Et donc à noter aussi, bah, c'est la deuxième finale d'affilée pour l'Ajax. Malheureusement, ça s'est mal terminé pour l'Ajax. Bon, il y a eu un partout au temps réglementaire. Et après, bah, malheureusement, l'Ajax qui perd au tir au but, la Juve qui marque tous ses pénaltys et l'Ajax qui manque par deux fois. Davids et c'était Sonny Siloy, je m'en rappelle plus du... Siloy, il avait joué au Matra Racing, lui, je me souviens. Et donc la Juventus qui remporte une nouvelle Coupe d'Europe. Pas forcément la plus belle finale, mais bon, bah, c'est un match de grosses équipes, ouais. Voilà, de grosses équipes, parce qu'à l'époque, l'Ajax aussi, c'était une très grande équipe, quoi. Avec ouais, Lismanen, Baba Yaro. Non mais là t'avais une équipe de rêve aussi, hein, avec Van der Sar au but, donc Siloy, là, Blind, De Boer, Bogaert, les deux frères De Boer, Finidi Georges, Davids, Nwankwo Kanu, Litmanen et Kiki Moussampa qui avait joué à Bordeaux l'année d'après. Et puis bon, t'avais Kluivert. D'avoir un super bande-touche. Ah ouais. Dans les deux cas, de toute façon, c'était deux bandes-touches vraiment très bons. Hein. Ouais. J'avais trouvé la finale belle pendant le match. Mais pas les prolongations, en fait. Non, tu vois. Voilà, tu t'emmerdais pendant les prolongations, en fait. C'était. Bon, t'aurais préféré qu'il y ait un but et que le match soit terminé là, que d'assister à des tirs au but, c'était trop long, en fait. Ah ouais. Et Rome, quand même, c'est un stade où t'as eu quand même trois finales de Champions League pendant une décennie. Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, même sur 15 ans, il y a eu trois finales de Champions League, c'était un stade assez mythique, t'as eu aussi une finale de Coupe du très, Monde. Très très beau, oui, très très beau ce stade. Pour une finale, c'était un superbe spectacle. Bien hein. sûr. Ouais. Et tu voulais dire quoi, Yaya, en fait? À l'époque, c'était qui le coach de l'Ajax? Van Gaal. Ah, Van Gaal. Van Gaal, et pour la Juve, c'était Marcelo Lippi. Ouais. Avec son cigare. Ouais, à l'époque où il y avait le droit de fumer. Il était sur le banc de touche avec son cigare alors qu'il y avait de la pression pendant le match. C'était incroyable. Le mec, il était. C'est comme s'il était sûr d'avoir gagné le match avant que ça soit terminé. Peut-être. On va se prendre un petit cigare. Ouais. Voilà, bon bah écoutez, c'est ce qu'on avait tout. On avait. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette Ligue des Champions Bah, c'est Deschamps quand même qui gagne sa deuxième finale de Champions League, voilà. Surtout. Ouais. Et c'est un des premiers joueurs français à accumuler des titres au niveau européen avec des clubs différents, un peu comme De Sailly à l'époque qui a gagné avec le Milan AC après l'OM. Et on a les plus gros joueurs français de l'époque qui gagnent avec les plus grands clubs européens. C'est ouais. Tu sens qu'il y a une génération, comme on a dit au début, qui monte pour 98. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. On va passer par la Coupe UEFA. On terminera par la Coupe des Coupes, comme ça, c'est vu que le Paris Saint-Germain avait gagné, on aura plus de choses à dire dessus. Puis pareil, la Coupe des Coupes, c'était une coupe qui était rapidement jouée, quoi. Il n'y avait pas énormément de matchs non plus, quoi. Moi, je trouve qu'à l'époque, on passait, on critiquait la Coupe des Coupes, mais je trouvais que ça avait son charme quand même. Il disait que c'était une coupe en carton, mais bon, parce que beaucoup c'était parce que c'était pas des fans du Paris Saint-Germain, donc il disait que c'était une coupe en carton, que le meilleur c'était la Ligue des Champions et trucs comme ça. Mais la Coupe des Coupes, il y a quand même eu des très belles finales, et puis c'était une Coupe d'Europe qui était comme les autres, hein, de toute façon. Hein, fallait la gagner, quoi. Certes, c'était peut-être la coupe. Entre guillemets, hein, la plus facile à gagner, parce que tu pouvais souvent tomber contre vraiment des toutes petites équipes luxembourgeoises, Vidéoton. Ouais, Vidéoton. Ouais. ça a moins réussi pour Paris. Hein. ouais. Et voilà, bon, bah, ça on en parlera à la fin de la Coupe des Coupes. On va passer à la Coupe de l'UEFA, parce que bon, malgré tout le parcours de Bordeaux, il y a eu beaucoup de clubs français qui l'ont disputé. Hein, à l'époque, il y avait le 3e, 4e, cinquième, du je crois. championnat Même participes, le ouais. deuxième aussi. Deuxième, troisième et quatrième. Et je crois que de 5 à 7, c'était la coupe Intertoto. Ouais, ça doit être ça, Voilà. hein. Ouais. Et donc les Girondins de Bordeaux qui, bien avant de commencer les 32e de finale de la Coupe UEFA, avaient participé à la Coupe Intertoto et l'avaient remporté en plus. Ouais, mais bon, comme on avait dit, tu sais, la Coupe Intertoto, c'était juste un groupe préliminaire, entre guillemets, mais Exactement, voilà. il donnait une coupe alors que tu avais trois finales ou deux finales, c'était un peu ridicule. Exactement, voilà. Donc bon, on va, c'est pour ça, on va pas En parler, on ouais. va pas en parler parce que bon, c'est pas vraiment intéressant. Après, c'est juste pour dire que Bordeaux a dû commencer très très tôt son parcours en Coupe d'Europe pour arriver jusqu'en finale. Donc, participant à cette Coupe UEFA, donc on a les Girondins de Bordeaux, on a le RC Lens, on a Strasbourg, on a Lyon, l'AJ Auxerre. Voilà, donc en plus, toutes les équipes se qualifient pour les 16e. Donc Ouais, Bordeaux qui c'est bien ça. bat une équipe de Macédoine par 2-0 à l'aller à l'extérieur et font un partout à domicile. Bon, le principal était fait au match aller. On a... Attendez, je regarde. Le RC Lens qui bat, et là je m'en souviens, puis on peut trouver la vidéo sur YouTube. Le match était retransmis sur TF1, ça se jouait en fin de soirée, c'était le RC Lens contre l'Avenir Beggen, une équipe luxembourgeoise. Donc là, score sans appel, 6-0 à l'aller, 7-0 au retour. Voilà. Donc Ouais. jusque-là, pas de soucis. Strasbourg qui bat l'équipe d'Uchpest, ça doit se dire comme ça, une Il y a équipe quand en... même, là je vois, il y a quand même par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, Monaco quand même se fait sortir. Ah, j'ai raconté une bêtise. Alors, Monaco Ouais. perd. Alors, attends. Contre Leeds United en Ah fait. oui, voilà, ouais, Leeds United, ouais, c'est vrai. Donc là, c'est déjà, oui, voilà, grosse contre-performance, surtout à domicile où Monaco, il perd 3-0. Ils sont balayés carrément, Mais c'est. Leeds United, il y avait Anthony Yeboah, il y avait des très bons joueurs aussi à l'époque à Leeds. Hein. C'était On une avait grosse, Basile c'était Boli, une... oui. On avait Basile Boli à à Monaco aussi. Monaco, ouais, il revenait de Glasgow, ça s'était très mal passé. Le pauvre, il a mal fini sa carrière. Bah, il a fini sur un coup de tête, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour moi, sa carrière s'est finie en 93, hein. Il le savait pas, mais. Bah, il a marqué son but en finale et puis après il est parti, je crois, il a joué au Japon. Il a dû jouer au Japon C'est bon. il a dû jouer au Japon, après il est allé au Glasgow Rangers. Ou alors c'est le contraire, il a joué au Glasgow, il est revenu à Monaco et il a terminé sa carrière au Japon. Ça doit être un truc Ouais, on va dire, c'est peu comme importe ça. entre Et je guillemets, me mais. demande si contre Leeds United, c'est pas ce match-là où il se télescope avec le gardien. Mais je crois qu'il se blesse au genou, il y a un truc comme ça. Non, attends, si, attends, je vais essayer de regarder Parce si je vois. qu'il y a un match où en fait, il télescope le gardien Ouais. monégasque et en fait, il est inconscient pendant plusieurs minutes. Ouais, il y a une histoire comme ça Alors, je sais et... pas si c'est ce match-là ou si c'est un autre. Attends. C'était une année l'année d'avant, je sais plus. J'arrive pas à retrouver, mais je l'avais tout Bon, à mais l'heure. bref, de toute façon, défaite de Monaco, donc elle allait 3-0. Ils gagneront 1-0 au match retour, mais voilà, c'est trop tard. Donc Monaco qui est entre guillemets, le vilain petit canard de ses 32e de finale avec une défaite. Certes, contre quand même une équipe, une très bonne équipe, parce que c'est vrai que le Leeds des années 90, c'était une équipe à craindre quand même. Parce que quand tu regardes après les autres clubs français, ils tombent vraiment contre des équipes de seconde zone. Là, je Ouais. parlais de Strasbourg qui bat l'équipe de Hongrie 3-0 à l'aller, 2-0 retour. Ensuite Lyon qui bat une équipe portugaise. Farense, ça doit être. SC Farense, il gagne 2 fois 1-0. Et l'AJ Auxerre qui bat une équipe de Norvège. Bon, ils font un partout à l'aller, ils gagnent 1-0 au retour. Voilà, bon, c'est pas folichon, mais voilà, ils passent tous, sauf Monaco, en 16e de finale. Et là, ça commence à avoir des matchs un petit peu plus difficiles. Auxerre s'arrête en 16e de finale, ils perdent contre Nottingham Forest. Ils perdent 1-0 à l'aller à Auxerre et feront 0-0 au retour. Donc fin de. Ouais, c'était. Auxerre, ils ont une malédiction avec les clubs anglais. À Ouais. chaque fois, ils tombaient contre Liverpool, Arsenal, ils passaient jamais. Et ils ont un jeu trop similaire en fait. Et je sais pas si vous vous souvenez aussi du match contre Liverpool, c'est l'année d'avant, je crois, où ils se font sortir, mais ils se font balayer, quoi. Et là, Auxerre, non, vraiment, c'était pas une équipe du tout pour les clubs anglais. Hein. C'était. Bah, c'était ouais, les clubs anglais, c'était le chat noir d'Auxerre, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Et donc Nottingham Forest, en plus, qui retombera en 8e contre Lyon, mais ça on en reparlera après. C'était le club de Stewart Pearce, c'est pas ça? Ouais, t'avais qui d'autre? T'avais des bons joueurs aussi à l'époque, Nottingham Forest, ils avaient des bons joueurs aussi. Hein, bon, maintenant, voilà, c'est plus le Nottingham Forest qu'il y avait dans les années 80, fin 70-80, mais encore à l'époque, t'avais une équipe qui tenait la route, quoi. Lens qui tombe contre Odessa, ils font 0-0 à l'aller là-bas, ils gagnent 4-0 au retour, donc Lens qualifié pour les 8e. Et le vrai exploit là, c'est ça là. C'est celui que tu vas dire là. Lyon, le Lazio de Rome. Exactement, le Lyon bah, qui rencontre la Lazio de Rome, victoire 2-0 à l'aller à Gerland. Et je me souviens qu'on donnait pas très cher de Lyon au match retour à Rome. On disait, bon bah voilà, ils se sont pris un but, ça va être super difficile. Et ils font un exploit, ils battent Rome 2-0. Et là, c'est vrai que c'est un véritable exploit. Et Lyon, je me souviens de ce match-là, Lyon qui jouait pour la. Pas la première fois, mais ça faisait longtemps qu'ils jouaient peu avec un maillot rouge, avec leur maillot rouge en fait. Ouais. Et leur je me souviens, leur logo, leur sponsor, c'était Aost. C'est eux qui ont lancé le troisième maillot en Coupe d'Europe là? Non. Je pense pas, mais bon. Mais encore, c'était des maillots qui étaient jolis. Hein. C'était pas les maillots qu'il y a maintenant, qui sont juste faits pour vendre. Ouais, c'est sûr. Donc. Non, mais si tu te rappelles de ce match-là, là, si tu l'as vu, t'avais toute la concentration mise sur comment il s'appelle, tu sais, Alan Boxic, ouais. Qui joue à la Lazio. C'était le gros transfert pour la Lazio. Et c'était. T'avais la grosse équipe de la Lazio qui venait à Lyon. Et en fait, les équipes rentraient sur le terrain de Canal+, je me souviens. Et il n'y avait aucune caméra sur les Lyonnais. Toutes les caméras de télé étaient sur les mecs de la Lazio. Genre, c'était... puis t'avais des fumigènes. À l'époque, c'est ça qui était super. T'avais des fumigènes dans le stade. C'était pas interdit. Et t'avais une ambiance de malade à Lyon. Hein. C'est vrai. Et donc, gros exploit, ouais. Bordeaux qui bat le Rotor Volgograd, une équipe russe. Bon voilà, 2-1 à l'aller, il gagne 1-0 au retour. Strasbourg qui laisse sa place, enfin qui s'arrête là en perdant contre le Milan AC. Il perd 1-0 à la Méno et perd 2-1 au match retour. Mais moi je me souviens de ce match avec un but exceptionnel de Franck Sauzet. Qui met un coup franc comme lui seul savait le mettre. À San Siro. Alors je sais pas si ça jouait à San Siro. Non, ça devait pas être à San Siro le match. Si, ça devait être à San Siro, mais. Moi je le vois tirer, je le vois là le coup franc là dans ma tête. Et mais j'ai l'impression qu'il tire du milieu de terrain presque. Ouais, presque du milieu de terrain. Et... Alors Sauzet semble effectivement tenir beaucoup à ce coup franc. Postovoy est près du ballon. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il va s'écarter du ballon et laisser à Sauzet. Il faut lui donner. Non, il va la laisser à Sauzet. Frappe de Sauzet. Oh, quel but! Extraordinaire! Oh, le coup franc de Franck Sauzet! C'est génial! Je crois que le San Siro, il est presque vide, quoi. Il y a personne dans le stade, quoi. Ouais, il y a personne. Ouais. Ah ouais. Et le match était retransmis sur TF1 à l'époque, je me souviens aussi. Bah, la plupart des matchs, beaucoup la Coupe de UEFA était retransmise sur TF1. Beaucoup de matchs. Ouais. Ouais, exactement. Hein. Et donc c'est tout, donc c'est Bordeaux et Lyon qui sont qualifiés avec le RC Lens pour les huitièmes de finale. Donc on va parler des huitièmes de finale avec Lens qui va malheureusement perdre contre le Slavia Prague. Ils feront 0-0 au match aller et ils perdront 1-0 à Bollaert contre cette équipe qui sera demi-finaliste. J'ai pas de souvenir du tout de ce match-là. L'Olympique Lyonnais, ça j'en ai un souvenir de ce match-là, ils perdent 1-0 à l'aller contre le Nottingham Forest. Ça je me souviens, c'était retransmis sur TF1 un mardi, je crois. Ils perdent 1-0 à l'aller, ils feront 0-0 au retour, tout comme Auxerre en fait. Donc fin de parcours pour Lyon, qui... En plus, ils ont le match retour chez eux à Gerland, en match retour. Ils n'arrivent pas à marquer, quoi. Ils n'arrivent pas à marquer, ouais. Ouais. Bordeaux qui va battre le Betis Séville, donc 2-0 à l'aller, et ils perdront 2-1 au match retour, et ce sera ce fameux but, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Zidane, presque du milieu de terrain, il reprend un ballon de demi-volée. Des Girondins de Bordeaux. On les connaît beaucoup mieux que les joueurs qui sont sur ce banc bordelais, car c'est vraiment Thierry très très jeune. Ouais, il y a des champions du monde militaire quand même, comme Istignol, il y a De Blasis, Camacho, Castan, et le tout jeune gardien remplaçant Kenel, car vous savez que Fontan a été suspendu. Oh là. Ouh, Zidane ! But ! But de Zinedine Zidane ! Une inspiration extraordinaire à le pied gauche de 30 mètres qui permet à Bordeaux de mener après 3 minutes en première période ici. 1-0, c'est le scénario idéal. Ça... Ouais, ça m'avait réveillé d'ailleurs. Ouais. un match à 17h30. Ouais, 17h30 dans un terrain mais détrempé, ça flottait à tout va. Ouais. Voilà. Ouais. Match sur Canal à l'époque. Donc Bordeaux qui gagne sur le score cumulé de 3-2. Et puis c'est tout pour le moment. Donc on a plus que Bordeaux de qualifier pour la suite. Ouais. Et donc on arrive à ce fameux quart de finale où les Girondins de Bordeaux rencontrent le Milan AC. Et là, match aller, grosse catastrophe. Bordeaux qui perd 2-0. Ouais. Ils perdent à San Siro 2-0, il n'y a rien à dire sur ce match. Voilà. Hein. Ils font un non-match. Un non-match, ouais. Et puis t'as Roberto Baggio qui, pour enfoncer le clou, il te met un coup franc improbable du côté droit des 16 mètres, il tire en lucarne gauche. Ouais. Faut le faire, quoi. C'est un truc que tu vois pas souvent, quoi. Il n'y a que lui qui pouvait faire ça, quoi, en fait. Ouais. Et non, mais comme tu dis, il y a un stade vide, il y a un désintérêt énorme pour le Milan AC à cette époque-là, ouais. du public, parce que je crois que Milan est un peu largué en championnat, avec, comparé à la Juve qui cartonne. Pourtant, le Milan AC, ils ont quand même une sacrée équipe aussi, hein. Ils ont George Weah, ils ont... Équipe All-Star, en fait, hein, qu'ils ont Star, installé. Voilà, ouais. Sauf que, bon, ça... Ça arrive pas à tirer grand monde dans le stade. Et c'est vrai que le Milan AC fin 90, t'as pas énormément de spectateurs dans le. T'as l'impression que le San Siro est déserté, quoi. Et puis t'as Savicevic, malheureusement, qui est en fin de carrière parce qu'il a eu une grave blessure au genou. Je crois qu'il s'est fait les ligaments. Mm. Et il reviendra jamais pratiquement comme Van Basten. Hein. C'est sûr. Il n'y avait pas Boban aussi à l'époque. Boban, ouais. Il devait déjà être là. Et après, je sais pas, par rapport à l'arrêt Bosman qui était... Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas s'il y avait une histoire de 3 joueurs maximum sur le terrain, ou 5, je sais plus. Parce qu'il n'y a pas une année, dis-moi là, où en fait ils sont passés à 5 joueurs par équipe, tu sais. Alors, sur le terrain, étranger. Je crois pas que ce soit la première année de l'arrêt Bosman, ça doit dû se faire dans l'année suivante, ou du moins là, 2 ans après, quoi. Ouais. Et t'as comment il s'appelle attends, je vais vous casser le rythme là. Mais c'est pas grave. C'est le joueur que t'es à Cannes, à l'AS Cannes, qui va à Milan AC là. De l'équipe de France là, j'ai un trou, j'allais dire. Tu vois, Viera qui est au Milan AC là en fait. Oui. Et c'est un des gros transferts du Milan en fait. Oui. Ils ont récupéré Vieira, ils ont encore Desailly, ils sont en pleine mutation le Milan AC cette année-là en fait. Ouais. Et ils n'arrivent pas à se trouver, hein, parce que même Roberto Baggio, il est en perte de vitesse depuis 94. Je vais vous dire la compo de l'équipe au match aller contre Bordeaux. Donc c'est l'Elpo au but, c'est ça, Panucci, ouais. Maldini, Vieira, Costa Curta en défense. Ouais. Milieu de terrain, Baresi, Eriano, Desailly. Ils avaient mis Baresi au milieu de terrain. Ou alors il doit être... il est 6, donc c'est peut-être... Non, il est vraiment libéraux, Baresi. Ah bah voilà, ouais. C'est pour ça. Ouais. Et en milieu de terrain, t'as Eriano, Costa Curta, il était pas mieux de terrain. Eragno, Stéphane Eragno. De Sailly. Et en attaque, on a Baggio, Savicevic et Marco Simone. Ouais. Et pour les remplaçants, t'as Donadoni, Paolo Di Canio, ouais. Rossi, Tassotti et Ambrosini. D'accord. Belle équipe quand même. Il y avait déjà Ambrosini hein, quand ouais. même. C'est incroyable hein, la carrière qu'il a fait. Ouais. Mais pour répondre à toi, Gami, là, parce que tu disais, c'est peut-être là, ça a commencé à l'affaire Bosman. Il y a 20 comptes, là, là, c'est marqué. L'UEFA laisse au libre arbitre des clubs le nombre d'étrangers communautaires qui pourront aligner à chaque match. Et là, c'est le début de l'arrêt Bosman, une décision qui fait suite à l'affaire Bosman. Donc, ça a commencé, ce que tu me disais, là. À cette saison-là, 95-96, alors. C'était effectif peut-être à partir de février ou mars 96. Ah peut-être. Ouais, parce que moi j'ai pas trop de souvenirs. Non mais février 96. D'accord. Ouais, parce que t'as quand même tu vois, Milan AC, ils avaient quand même sur le terrain Vieira, Savicevic, ah bah oui. Y avait qui d'autre, faudrait compter pour voir. T'as De Saï. C'est pour ça que l'UEFA, dans le texte qu'ils disent, l'UEFA laisse au libre arbitre des clubs le nombre d'étrangers communautaires. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais, bien sûr. Ouais, ça, c'est ce que je me dis en fait. Hein. Milan, ils avaient commencé à recruter gros à l'étranger déjà. Hein. Ouais. Mais, On a oublié de noter que Bordeaux, en cours de saison, en février, ils changent d'entraîneur. C'était Muslim, qui était entraîneur de Bordeaux. Et puis, bon, en fait, Bordeaux, ils font vraiment un championnat pourri, quoi. Ils doivent être. Dans la deuxième partie de tableau, ils n'arrivent pas à enchaîner les matchs, les trucs comme ça, et c'est Garnot Rohr qui sera l'entraîneur à partir de février, je crois. Hein. Donc, on va parler de ce fameux match retour. Oui. Donc, Bordeaux qui était mené sur l'ensemble, sur le premier match 2-0. Et là, Bordeaux qui crée l'exploit en battant le Milan AC 3-0. Et là, je me souviens qu'il y avait. Bah, le stade était plein. Le stade était plein parce que c'est vrai que recevoir le Milan AC, c'était toujours un adversaire. Enfin, ça faisait toujours envie de voir ce match-là. Ouais. Mais j'avais quand même l'impression que les Bordelais y croyaient. Parce que, merde, t'es mené 2-0 contre le Milan AC. Tu te dis, ouais, le match retour, on va s'en ramasser une volée contre eux. Normalement, le stade devrait pas être aussi plein, mais là, le stade est plein. Et là, c'est pareil. Tu dois voir un engouement que Bordeaux n'a peut-être jamais revu depuis. Et ça commence très bien avec ce but de Tolo à la 14e minute. Et, avec les commentaires de Michel Platini en plus. Bah, Michel Platini en plus, donc qui avait évolué à la Juve et qui pouvait pas encadrer le Milan AC. qui encourageait comme un chauvin Bordeaux. Voilà. Bonne. Allez, vas-y, continue. je mettrai les commentaires là, de l'époque. C'est hallucinant. Surtout pour le. Donc il y a l'égalisation de Dugarry à la 64e minute. Alors est-ce que c'est ce deuxième but? Ouais, ça doit être le deuxième but où en fait c'est un coup franc pour Bordeaux qui est détourné par l'arbitre en fait. Ah exactement, quand il tire le coup franc, c'est détourné par l'arbitre. C'est détourné par l'arbitre. Il y a quelqu'un qui remet de la tête pour Dugarry et puis après Dugarry qui marque. Et... Frappe de Zidane qui allume Monsieur Caca. Il est beau en pivot, Dugarry. Le but de Christophe Dugarry, et voici 2-0, le Milan AC est mené ici à Bordeaux par les Girondins, 2-0, on va le revoir. Allez, 3-3, si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface, frappe, et but. Oh quel but, super, oh là là, quel but de Christophe Dugarry, 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Allez, on vient. Michel qui est debout dans la tribune. Ah, t'as Platini, mais il doit se faire dessus, je sais pas, mais il a très essayé. Génial aussi. C'est génial. C'était... Là, voilà, ça c'est des matchs, on s'en souviendra toujours, on se souvient un petit peu plus ou moins des commentaires. D'époque, ouais. Mais ce match-là, il allait à 100 à l'heure. Hein. Ah Si ouais. vous le regardez aujourd'hui, c'est impressionnant. Hein. Didier Tolo sur le côté gauche, là, la vitesse qui va. C'est le match, son match c'est le match de l'année qui fait lui Didier Tolo. Bah, comme Dugarry, pareil, parce que je pense que Dugarry avait fait aussi son match de un match extraordinaire aussi, quoi. Enfin, grâce aussi avec Zidane, mais je crois que c'était un de ses plus beaux matchs qu'il a vécu avec Bordeaux, parce que. Ouais. Il avait marqué 3 buts quand même, c'était exceptionnel. Et comme tu dis, Nico, bah moi j'y croyais pas non plus. Parce non, que bah non. Moi j'avais allumé la télé, je me rappelle, j'étais avec ma petite femme, bon, je commençais à regarder, puis déjà un but, et bon, je me suis pris dans le jeu, et puis résultat, bah, on a eu super soutenir. Moi je me souviens, je l'avais écouté à la radio, parce que bon, j'avais pas Canal à l'époque. Et alors c'était sur Europe 1, parce que c'était c'était Saccomano qui devait être sur Europe 1 à l'époque. Et je gueulais dans ma chambre, j'étais le troisième but de Dugarry, j'étais en train de gueuler, mes parents ils dormaient, il y a mon père qui s'était réveillé en sursaut en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ben, je dis c'est Dugarry qui a marqué le troisième but, je fais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Non mais moi carrément j'avais zappé la fin de l'entraînement de foot pour rentrer chez moi pour regarder le match. Ah hein, ouais, je bah me ouais. souviens, l'entraînement il était à 19h et ça finissait à 21h30. Ah bah oui, bah oui. J'ai zappé une heure pour rentrer pour voir le match. Parce que moi j'y croyais, contrairement à plein de potes avec qui je joue au foot, et personne n'y croyait. Hein. Mais moi c'est mes souvenirs, si je peux le dire, c'est bien que je crois que j'ai déjà. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je me rappellerai tout le temps, c'est que j'étais avec ma petite femme, on avait commencé à emménager tous les deux, et je me rappelle à l'époque, bon, on n'avait pas encore Canal Plus, et j'avais un copain qui m'avait trafiqué Canal Plus dans des petits boîtiers cassettes VHF, et je me rappelle, on pouvait avoir appuyé sur un bouton à 7 pour avoir tout le temps le bon oui. code, et je me rappelle que bah, j'avais pu regarder Bordeaux Milan à cette époque-là et c'est des souvenirs historiques, quoi. Et même je sais pas si vous le maillot de Bordeaux, je le trouvais super beau en grenade. Il était pas mal ce maillot là, ouais. C'était des pareil, c'était super maillot ça. Donc c'était quoi, c'était Panzani leur Ouais, Panzani. Ouais. Et puis c'était grenade et puis rayé des petits liserés parements bleus, ouais. T'avais une version avec Afflelou aussi en fait. Oui, c'est parfois vrai, il mettait un sponsor différent. Non, Afflelou, je me demande si c'était justement c'était pour la Coupe d'Europe. C'était possible. non, ça devait être le maillot. Parce que je vois des photos avec Afflelou et Panzani, les deux en fait. Ouais. Alors, je sais qu'à l'époque, il y avait une mode, c'était... Début de saison. Voilà, exactement. Janvier, on changeait de maillot. Voilà. Et début de saison, ils avaient un sponsor et un jeu de maillot. Et janvier, bah, ils avaient un autre sponsor. Voilà, bon, pourquoi pas, hein, ça se faisait beaucoup à l'époque. Alors, au PSG, c'était un casse-tête. Hein, quand tu voulais retrouver un maillot de foot, il fallait savoir quelle année c'était parce que tu comprenais Marseille, rien. Dans les années 80, ils ont eu je sais pas combien de jeux de maillots avec surtout au début de l'ère Tapie, ils ont eu je sais pas combien de jeux de maillots avec des sponsors différents quoi. Là t'avais après c'était Maison Bouygues qui était resté, mais ils ont eu je ne sais pas combien de jeux de maillots, c'était tu disais mais merde, c'est lequel le ouais, bon, quelle année c'est, on trouve. Alors quand tu veux créer un championnat sur PES, tu te dis merde, je prends quel maillot voilà quoi. Ouais. Et donc là on revient dans ce truc là. Moi je me souviens c'était un mardi que ça s'était joué, donc le lendemain moi j'avais entraînement, et je sais que même partout ça s'en parlait de ce match là c'était le voilà, c'était un exploit, ils en parlaient un petit peu à la télé et tout le monde en parlait. Je me souviens de l'entraînement, on a passé presque tout notre temps à parler de ce Bordeaux Milan AC en se disant putain Dugarry, quel joueur, lui ça va être un futur grand joueur. On était naïfs, hein, mais voilà. entre guillemets, il a fait sa carrière sur ce match-là. Sur ce match-là. Ouais, voilà, tout à fait, c'est ce que je dis. Et c'est grâce à ce match-là qu'il a signé au Milan AC juste après. Il pensait que il serait aussi bon à Milan l'année d'après, parce que l'année d'après il signe au Milan AC. Ça c'est pas. Ouais, c'est une catastrophe pour il lui. Il a dû marquer un ou deux buts. Je me souviens, il avait marqué en Ligue des Champions, parce que je sais que l'année d'après, je regardais le match. sur la 1 et après j'enregistrais les meilleurs moments de. C'était avec Roger Zabel. Ouais. Mes meilleurs moments, t'avais tous les buts et trucs comme ça. Et je me souviens qu'il avait marqué avec le Milan AC, bon, un but complètement pourri. C'est pas cette année-là où ils sortent pas du groupe ou un truc comme ça? Non. Attends. Ah si, peut-être l'année d'après, ouais, Il je y a une pense, année où ouais. ils sortent pas, je crois, ou ils sortent en quart ou en. Il y a une année où c'est une catastrophe, je crois que c'est celle-là, C'est je peut-être la crois. saison 96-97, ouais. De toute façon, Dugarry, que ce soit, comme tu dis, au Milan ou là où il a été à Barcelone, il n'a rien fait du tout. Donc, t'as qu'à voir, là, quand il joue contre l'Afrique du Sud, grâce à sa attaque, heureusement qu'il marque la tête, parce que je sais pas si tu vois, quand il joue contre l'Afrique du Sud, les pertes de Ah c'était incroyable, quoi. bah, c'est vrai Incroyable. il fait partie des vainqueurs de 98 qui sont le moins bon de l'équipe avec Ah bah oui. Guivarch. Et encore Guivarch, le problème c'est qu'il s'était fait un claquage, donc Ouais, ça a complètement faussé sa voilà. compétition. Parce que même hein, pour la finale, il loupe un but tout fait aussi hein, Dugarry. Hein. Ah oui. Bah tiens, Donc regarde, tu vois, je suis en train de regarder les stats, je vous coupe juste, tu vas-y, vois, vas-y. c'est exact, c'est ça que je disais, c'est l'année où Dugarry va au Milan, ils sortent pas du groupe l'année d'après en Champions League. Ouais. Et c'est la crise à Milan en fait. Avec ils ont que des joueurs un peu sous-cotés, enfin surcotés, pardon. Et contre Rosenborg, ils arrivent pas à gagner, et ils perdent, je crois même. Ouais. Enfin, je veux dire, l'année où Duga arrive à Milan, c'est une année de transition de trop en fait. Exactement. Et Et c'est cette année-là, il tombe contre Porto et Weah donne un coup de tête dans la gueule Ah oui, comment Jorge est-ce, Costa Jorge là. Costa. Oh mon Dieu, Et je m'en souviens. Oh je me là là là. souviens, donc t'as les caméramans qui sont en train de filmer dans le vestiaire ou enfin à la fin du match. Et il y en a un qui cache la caméra pour pas montrer le sang de Costa Curta. Et t'as Costa Curta qui baisse la main du gars et puis qui dit, regardez mon nez, il est cassé, il est cassé. Ouais. Ouais. Ah, c'était des voyous hein, Ah le FC bah, Porto à à l'époque. l'époque, hein, c'était voilà, hein, Ah parce que. des. J'avais Jorge Costa là, lui, je Surtout m'en lui, hein. souviens. Hein. Ouah, C'était c'était un joueur, c'était difficile à part d'être vraiment un supporter de Porto, c'était pas facile à apprécier ce joueur-là. Hein. Non, non, non. C'est l'équivalent. C'est même Mais. pire que Cyril Roll et compagnie. Ah Hein. bah oui. Oui. C'était une Mais pourriture. par contre, Gamy, là, comme là, ou Nico, comme là, je vois Girondins de Bordeaux, Milan AC, mais putain, mais ils avaient une sacrée équipe parce que tu avais comme là, ton joueur préféré, Roberto Baggio, Ah non, après le match retour, Georges ouais, Weah. il y a une grosse Ouais. équipe. Hein. Mais tu sais, Dugarry, il en parle, hein. Vous l'avez vu l'émission Le Vestiaire? J'arrive de temps en temps à le Ben, voir, ouais, je le vois de de temps temps en en temps, je temps, vois les ouais. meilleurs moments, ouais. Et il en parle dans une émission au début, et en fait, il raconte que bon, Milan, ils sont arrivés au stade, ils se L'affaire au sont fusil. échauffés dans les vestiaires, Ouais. tranquilles, et ils ont fait des étirements, ils ont rien fait du tout, les Ouais, ils mecs. sont arrivés la fleur au fusil en se disant, Ouais. bon, bah, c'est déjà gagné, quoi. Ouais, voilà, ils avaient trop sur deux. Et donc, ben, victoire de Bordeaux 3 buts à 0, match qui restera dans les annales de toute façon, tout comme un PSG Real. Voilà, c'est ça, c'est des matchs que tu as envie de revoir parce que c'est vraiment un exploit. Demi-finale contre le Slavia Prague, une équipe assez surprise qui compte dans ses rangs. Alors, si je dis pas de bêtises. Il doit y avoir Poborski. Donc à l'aller, Bordeaux gagne 1 but à 0, but de Dugarry une nouvelle fois. Et match retour, Bordeaux qui gagne 1-0 aussi, but de Tolo à la 46e minute de jeu. Et pour une nouvelle fois, un club français qui va en finale de la Coupe UEFA. Donc là, c'est la première fois hein, pour un club français. Non, Ouais. oui, première fois pour un club Après français, Bastia. après Bastia, pardon, d'aller en Coupe UEFA. Et bon, ben, qui dit finale, forcément, on tombe contre un gros. Ils auraient pu tomber contre Barcelone, qui était demi-finaliste contre le Bayern de Munich. Mais ils tombent contre le Bayern. Et le match aller, ben, Bordeaux perd 2 buts à 0. Ouais, c'est je crois que c'est Mehmet Scholl qui C'est marque, je crois. Elmer et Mehmet Scholl, ouais, qui Ouais. marquent. Bon là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est Ouais, le il y a une Bayern Bayern est supérieure Bayern. beaucoup trop fort hein, de toute Voilà. façon. Dans, à tous les postes, là, il n'y a pas d'histoire d'exploit, c'est du sérieux et du travail, le Bayern. Tu vois que Voilà. c'est une machine. Hein. Ouais. Et match retour, donc parce que à l'époque la Coupe UEFA avait c'était la seule coupe avec un match aller, un match retour en finale. Match retour qui se jouait à l'Escure, donc un Escure blindé. Cette fois-là, tout le monde pense à un nouvel exploit parce que voilà, ils avaient perdu 2 à 0. Tout le monde pense à un exploit de Bordeaux. Malheureusement, l'exploit il aura pas lieu. 0-0 à la mi-temps. Non, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis après, bon ben les joueurs du Bayern qui déroulent et puis qui marquent deux buts. Kostadinov. Ouais, avec Scholl d'abord, Kostadinov ensuite, Papin qui est sur le banc de touche aussi, qui est sur dans les tribunes même, je qui est dans crois. les tribunes et qui au moment de la remise de coupe, tu le vois, il est en survêt et avec son téléphone portable en train de Ouais. téléphoner. Je m'en souviendrai toujours de cette image. Comme je disais, Kostadinov qui avait défoncé Lizarazu, je crois, c'était pendant ce match-là, il avait explosé les jambes, je crois. Et Ah. c'est ce match-là. Et puis Selon la t'as convention de Genève, hein, dans les règles. Hein. bah, il avait explosé les jambes, et t'as Thierry Roland, mais déjà qui pouvait pas blairer Kostadinov depuis 93, qui avait sorti, mais ce joueur-là n'a rien à faire sur un terrain, mais il avait sorti à sa Sortez-le façon. moi. Il n'y a pas plus un Coréen qui ressemble à un Coréen. Ouais. Ouais, c'est oui. Putain, ça c'est un artiste, ce mec. Et Ouais. bon, bah, malheureusement, Bordeaux qui perd 3 buts à 1, Dutuel qui réduira le score, mais bon, c'est C'est vraiment anecdotique, comme on dit. anecdotique, voilà. Surtout qu'en plus, il y avait 2-1 et Klinsmann marque 2 minutes après le troisième but. Oui, excuse-moi, je t'avais coupé la parole. Non, c'est juste savoir si Lizarazu partait Ah oui, il est après parti une la dernière saison d'après, il est parti à au Bilbao. Bayern. Oh, non, non. Ah non, il partait d'abord à Bilbao. Il a fait une saison, je crois, où je crois que c'est la saison où Avec Luis Fernandez, là, c'est avec. ça? Alors, je sais pas si c'est 96-97. Oui, c'est Luis Fernandez parce que c'est Ricardo qui est entraîneur de Avec Paris. Gatt, ouais. Voilà, donc Fernandez qui part à Bilbao et ben c'est Lizarazu qui rejoint cette équipe-là. Alors Bilbao, en plus, à l'époque, qui jouait qu'avec des joueurs Ouais, basques. basque. Donc comme Ah Lizarazu, il est basque, il entrait ouais. Voilà, ouais. dans les rangs. Et en plus, l'année d'après, Bilbao qui fait un de ses meilleurs parcours en Championnat, championnat. Alors ils sont pas champions, mais ils doivent être deuxième ou troisième, un truc comme ça. ouais. Ils vont en Champions League Ouais, après. voilà, Ouais. ouais. Mais il y a un sacré match que vous pouvez voir, c'est Juventus, Bilbao Juventus. Ouais. C'est un sacré match. L'année d'après, ouais. Ouais. Donc Bordeaux, bah, malheureusement, qui perd avec les honneurs, parce que voilà, commencer de l'Intertoto, je pense qu'ils ont dû laisser des plumes à la fin. Puis en plus, en championnat, ça ne tourne pas du tout. Ils ont changé d'entraîneur en cours de route. Donc c'est quand même honorable d'arriver jusqu'à ce stade-là. Et puis Papin quand même, c'est le mec poissard quand il est Voilà. présent sur le terrain lors des finales. Ben voilà. Faut pas qu'il soit sur le terrain, je veux dire, hein, sinon tu perds. Soit, voilà, s'il est sur le terrain, soit il perd. S'il n'est pas sur le terrain, ça gagne. Parce qu'en CABA. 80, en 94, il avait joué contre. Non, il n'avait pas joué contre Barcelone. Alors 93, Ou 4, 93. 93, il perd contre. En rentrant en cours de match, il perd contre Marseille. Il rentre en 84. deuxième mi-temps, Ouais, il je rentre en crois. deuxième mi-temps. 94, finale contre le Barça. Bah, Donc. il est plus là, hein, je crois, Ah Papin. si, il est Il est toujours là là. Hein. encore. Ah oui. J'ai pas le Il souvenir. part à la saison 94-95, il part au Bayern. D'accord. Et c'est à ce match-là, parce que j'ai un DVD sur lui, parce que Ouais. c'était mon idole, Papin, de toute façon. Il a carrément fait une année de plus en sachant qu'il y avait eu des nouveaux achats et qu'il Voilà. allait encore être au moins dans les plans, quoi. Exactement. Et en fait, il n'a pas regretté d'avoir signé au Bayern, mais il avait donné sa parole à l'époque au Bayern pour signer juste après le Milan AC, parce qu'il savait que le Milan ne voulait plus de lui. Et puis bon, bah comme Van Basten, justement, ça on n'en avait pas parlé, mais il avait arrêté à cette saison 95-96, il avait pris sa retraite. Lui, il voulait partir ailleurs. Il aurait pu partir dans d'autres clubs, mais il avait donné sa parole au Bayern, parce qu'il connaissait bien, c'était Trapattoni à l'époque. Ouais. Donc il avait donné son accord. Je crois que Beckenbauer, enfin, il rentrait pas dans les plans de Beckenbauer en fait, parce que Trapattoni avait été changé en cours, enfin, il était parti en cours de saison l'année d'avant. Et pour lui, en plus, il s'était blessé, donc ça s'était pas passé comme il voulait. Et justement, ce match contre Bordeaux, il y a les dirigeants de Bordeaux qui sont allés, qui sont venus le voir et qui ont demandé est-ce que ça l'intéresserait de venir jouer pour Bordeaux. Et lui, comme il voulait partir absolument de Munich, et ben, il a dit il y a pas de souci. Mais il a toujours voulu. Il aurait toujours espéré qu'un dirigeant de Marseille vienne le rechercher. Et il a dit s'ils étaient venus me chercher, j'aurais même été prêt à baisser mon salaire pour pouvoir retourner à Marseille. Au Vélodrome, ouais. Mais après, bon, vas-y Yannick, mais il joue en Ligue 2, Marseille, je veux dire. Non, mais la saison 96, il est remonté, ouais. Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est par contre, tu vois, Nico, tu me parles de Papin au Bayern, mais j'ai pas un grand souvenir de lui au Bayern. Bah, son but de l'année 94-95 avec son espèce de retournée. Mais il a dû jouer 10 matchs dans la saison parce qu'il s'était gravement blessé. Ouais, c'est pour ça, c'est pas des percutants, quoi. Non, c'est, de toute façon, c'était le Bayern, hein, t'avais l'impression que c'était une équipe pro-allemande, hein, voilà. Pro-allemande, très nationaliste, hein, il y avait que des Allemands, hein. À part, il y avait, comment il s'appelle, l'attaquant brésilien, tu sais, Elbert. Elbert, ouais. Super, Giovanni Elbert, ouais. Mais bon, à part ça, je veux dire, c'était que des Allemands, hein. Ouais. La plupart, ouais. Voilà, donc bah, c'est tout ce qu'on avait à dire sur cette coupe UEFA. T'as encore le temps un petit peu Oui. C'est bon. Oui. Bah, on va parler de cette fameuse coupe des coupes. Ouais. Avec, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur cette coupe UEFA. Non, on a fait le tour. Coupe des coupes avec bah, comme seule équipe française, parce que c'était celui qui remportait la coupe de France. Qui participait à cette coupe, le Paris Saint-Germain, ouais. Qui va commencer tranquillement, hein, en 16e de finale avec un match contre le Molde FK, une équipe norvégienne. Match un peu difficile, match aller, 3 buts à 2. Voilà, bon, c'est un peu difficile. Paris, je crois qu'ils sont même menés 1-0 à un moment. Une équipe de Molde qui compte dans ses rangs Ole Gunnar Solskjær, l'ancien super sub de Manchester. Donc ça, c'était avant qu'il signe à Manchester. Voilà, bon, victoire 3 buts à 2 à l'aller là-bas, et puis victoire 3 buts à 0 au retour, dans un Parc des Princes pas très plein, mais bon, voilà, c'est les 16e de finale, c'est pas les matchs les plus importants. Ensuite, 8e de finale contre le Celtic Glasgow. Donc là, déjà, une équipe un petit peu plus huppée. Victoire à l'aller au Parc, 1 but à 0. Et là, match avec des occasions manquées de toutes parts. Pareil, qui gagne vraiment 1-0, mais c'est un match vraiment difficile. Et qui arrive en toute fin de match à marquer ce but-là. Je ne sais pas si vous en avez des souvenirs de ce match-là. Du match aller. Ouais, non, match c'est aller. Plus le match retour, moi. Voilà. Ouais. Bon, on va vite en passer, donc 1-0 match aller. Et là, match retour, c'est jamais facile de jouer au Celtic Park, hein, parce qu'on connaît tous cette ambiance de folie qu'il peut y avoir dans ce stade, cet engouement. Alors certes, il n'y a pas une grosse équipe en face, mais bon, de jouer au Celtic Park, ça n'a jamais été simple. Et là, Paris qui gagne 3 buts à 0. Ouais, c'est une démonstration comme on en avait parlé, c'est une démonstration ce match, parce que tu as même le public qui en admiration. Écossais ouais. qui applaudit les joueurs du PSG à la fin du match, carrément, qui se lève, il y a une standing ovation pour l'équipe, parce que là, le PSG a maîtrisé le match de A à Z, en fait. Il n'y a pas eu un moment où il y a eu un doute pour laisser la victoire aux Écossais, aux Celtics. Patrice Loco, en plus, qui revient de sa malheureuse suspension, bon, on ne reviendra pas là-dessus parce qu'on sait tout ce qui s'est passé, et qui fait un match vraiment fantastique. Je crois qu'il marque deux buts. Hein, ensuite, le match sûrement le plus difficile pour le Paris Saint-Germain, quart de finale contre Parme. Et là, défaite 1-0 à l'aller à Parme. Ouais. Alors, je me souviens avoir vu ce match-là avec un ami chez lui, pareil, c'était un match genre à 18h ou 19h peut-être. Non, il était c'était le soir. Il était tôt, après peut-être que c'était... Enfin, quoi qu'il arrive, il n'y avait personne dans le stade à Parme. C'était hallucinant, tu aurais dit un match amical de pré-saison en fait, alors que c'était un quart de finale de Coupe des Coupes. Ouais. Et tu te disais quand même là, tu sentais que la coupe, c'est cette coupe UEFA là, de Coupe des Coupes, tu sentais que ça attirait personne en Europe. Ouais. Et il y avait peut-être que les petits clubs genre écossais ou anglais qui pouvaient prétendre à s'intéresser à cette coupe-là. Et tu ressentais qu'en Italie, ils n'en avaient rien à faire de cette coupe. Bah, le stade Ennio Tardini faisait 25 000 places à peu près, hein, tout cassé. Et là, il y avait 10 000 spectateurs. Voilà, voilà, t'avais personne dans ce stade, quoi. C'était vraiment... Déjà que c'est un petit stade, comme tu dis. Ouais. Et... Bon, t'as quand même Risto Stoïkov, t'as une grosse équipe à Parme. T'as une belle équipe, t'as une belle équipe pour Parme hein, quand même. Hein. T'as, je crois que c'est Bucci ou Buffon au but. Bucci au but, ensuite ouais. T'as Benarivo, Mussi, Sensini, Cannavaro en défense, Apollini, Pin, oui c'est ça, hein, ou Pin, je sais pas. T'as Zola aussi en... Ouais. Et puis en attaque, t'as Baggio, Stoïkov et puis Brambilla. Ah ouais, Dino Baggio, ouais. Oui, et Dino Baggio, on va dire, c'est les prémices du Grand Parme qui aura 3 ans plus tard. Voilà. 2-3 ans plus tard, voilà. Mais là, c'est quand même la moitié de l'équipe. C'est pas une grosse cylindrée au niveau européen encore. Hein. Voilà. T'as des joueurs de renom, mais un peu âgés, et t'as des nouveaux venus en fait, comme Buffon sur le banc de touche et. Et en défense Cannavaro, Sensini c'est un peu aussi un nomade du football en Argentine qui a voyagé un peu partout. Mais bon, il y a des joueurs d'expérience avec des jeunes, donc tu sais que quand même ça va pas être facile de les battre. Et au match aller, bah justement le PSG perd 1-0 je crois. Oui, il perd 1-0. But c'est Stoïkov, ouais, une frappe croisée, petit filet là qui marque je crois. Et pareil, c'est un match un peu bizarre parce qu'il n'y a pas d'ambiance, le PSG a pas l'air motivé, c'est vraiment une ambiance un peu... Tu sais, c'est le match piège en fait, comme ouais. On dit. Il n'y a pas d'équipe qui a envie de vraiment se livrer à fond et tu sais que le match retour, ça sera le plus important des deux matchs. Bah, en plus, le problème, c'est que le Paris Saint-Germain, ils étaient longtemps premiers du championnat et là, ils sont en train de se faire dépasser par Auxerre. Ils ont passé un moment où Paris n'arrivait plus à gagner, ils faisaient match nul ou ils perdaient, ils étaient vraiment plus en confiance du tout. Et là, je pense que c'est vraiment à ces moments-là, je vois. C'est la fameuse crise, la fameuse crise d'hiver. Voilà. Tous les ans, il y avait la crise au PSG. 7 mars, ça s'est joué le match et c'est vrai. Même avant, regarde Nico, parce qu'il disait au mois de février, Strasbourg bat le PSG 1-0. Oui, voilà. C'est la troisième défaite du. Troisième défaite de Paris qui voit leur avance sur leurs dauphins passer de 6 à 2 points. Mmh, c'est vrai. Bah oui. Et là, Paris laisse des plumes. Mais bon, c'est vrai contre Parme, je trouve que Paris, je l'avais vu ce match-là, ils font un non-match. Ils font pas. Voilà, c'est pas le Paris Saint-Germain qu'on a l'habitude de voir. Match retour s'annonce. Alors je me rappelle plus quel engouement il y avait. Le parc était plein. Le parc était plein par contre. Ouais. Bon, de toute façon, à l'époque, le parc était. Enfin, je sais que dans les années 80, le parc était à moitié vide. Mais années 90, pour les matchs de Coupe d'Europe, le parc il était souvent plein de toute façon. Hein. Enfin, quand c'était à partir des 8e quart de finale, le parc était toujours plein parce que c'était quand même une belle affiche. Parme, c'était une grosse équipe à l'époque. Hein. Ouais. Bah, tu sais quoi, vas-y. Non, je disais que t'avais des beaux tifos parisiens. Ah voilà, oui, puis t'avais des ultras qui étaient là, t'avais l'ambiance qu'il fallait pour donner de l'ambiance. Voilà, c'est une des années où en fait la tribune Auteuil avait commencé à créer plusieurs petits groupes de supporters. Ouais. Il commençait à avoir en fait des groupes comme les Authentiques et mêlés à d'autres groupes d'autres. En fait, ce qui s'était passé, si vous vous souvenez, en 92-93, il y avait eu l'affrontement avec les CRS. Le CRS qui était dans le coma et tout ça. Et puis il y avait déjà eu un petit nettoyage entre guillemets des tribunes. Et il y avait eu des boycotts, il y avait eu des grèves de tribunes. Et finalement, ils étaient arrivés à des accords à Auteuil de mettre. Enfin, ça s'était passé à Bologne, les affrontements surtout. Ouais. Mais à Auteuil, ils avaient eu l'intelligence de créer plusieurs groupes de supporters pour éviter justement que toute la tribune soit fermée en cas de problème. Oui. Donc en fait, tu avais plusieurs capos pour, enfin capi en italien, pour des groupes de supporters. Et en fait, tu avais des Antillais, des Portugais et des Français mélangés dans la même tribune Auteuil. Et en fait, ce que je voulais dire au début, c'est que en fait il y avait une superbe ambiance et t'avais c'était un match où moi où je devais aller et j'ai revendu ma place, c'est véridique. Ah ouais. J'avais une place pour ce match et en fait j'ai pas pu y aller parce que le lendemain je sais plus ce que j'avais, je devais me lever tôt pour aller au lycée et puis je suis pas allé au match en fait, j'ai revendu ma place à quelqu'un d'autre. Et nous on avait des places à l'époque, sans mentir, hein, c'était 100 francs ou 150 francs quoi, c'était pas les prix d'aujourd'hui, hein. Ouais. Ah bah oui, non, c'était plein, hein, je vous rassure, il y avait une super ambiance. Là, je vois la tendance 43 686, donc voilà quoi. T'as toujours les places de sécurité, là, comme ils disent, peut pas être à 100% plein, mais bon, il était voilà vraiment plein. Et pareil, qui va gagner 3 buts à 1, avec deux pénaltys dans le même match, deux pénaltys en plus transformés par Rai. Pareil, qui mène 1-0. À la 9e minute, et puis pareil qui se fait rejoindre à la 26e minute de jeu. Donc à ce moment-là, Paris, bah, ils sont à Parme, mène 2 buts à 1, quoi. Ouais, c'est ce match-là en plus. Tu as Stoïkov qui revient au Parc pour la première fois depuis novembre 93. C'est vrai, et c'est surtout ça le truc, parce qu'en fait, le public il le prend en grippe. Et il a une pression énorme, Stoïkov, il arrive à rien faire. Déjà, il a pris du poids depuis depuis combien, 4 ans, ouais. Il a pris du poids. Il met pas un pied devant l'autre, il a du mal. Et en fait, dès qu'il a la balle, il se fait siffler, mais comme jamais un Marseillais s'est fait siffler au Parc des Princes. C'est vrai. Et le mec, il n'arrive à rien du tout. Et à un moment donné, il se fait remplacer vers la fin du match quand Paris mène 2-1. Et après, il y a 3-1, et il y a 3-1, et donc Paris se qualifie. Ouais. Mais Stoïkov, tout le match, il a été pourri. Et Parme n'a rien réussi à faire en attaque à cause en partie du public qui a joué un rôle énorme sur ce match-là. Ouais. Donc, exploit du Paris Saint-Germain quand même, parce qu'on peut dire que c'est un exploit... C'est un exploit de battre Parme. Et pareil, qui se retrouve en demi-finale contre le Deportivo La Corogne. Alors là, quand on regarde un peu les demi-finales, les autres demi-finales, t'as Feyenoord, qui est sûrement l'équipe un petit peu la plus dure de cette demi-finale. T'as le Deportivo La Corogne, Feyenoord et le Rapid de Vienne. Ouais. Bon, le Deportivo, c'est ta Bebeto. Ouais, ouais, si t'as quand même. Gelminia déjà. Si, t'avais Gelminia, ouais, t'avais une bonne équipe quand même, hein, le Deportivo. Hein. Et ce qui est dommage, c'est qu'à l'époque. John Toshak, l'entraîneur de la Corogne. Ouais, l'entraîneur. Ouais. T'avais leur stade qui était en rénovation en pleine Coupe d'Europe. Donc en fait, ils avaient une tribune, un virage côté droit détruit. Ouais. Et malheureusement, voilà, il y avait. C'était un stade avec une piste d'athlétisme en plus à l'époque. Mmh. Donc. Ça manquait de peps, en fait. Ça manquait de peps, ce match aussi. Hein. Ouais. Et Paris qui arrive à gagner ce match à la 90e minute sur une frappe de Djorkaeff, un petit peu venu de nulle part, en fait. C'est vraiment peut-être le tir du désespoir, en fait. Et il parvient à marquer ce but-là. Et Paris qui a un pied en finale. Là-bas encore très très loin devant, Evoro qui surveille Nouba, mais récupération, Djorkaeff qui évite, qui a éliminé Donato, qui va pouvoir tirer, et le but de Youri Djorkaeff, et quel but! Liano n'a pas bougé, une frappe pied droit dans la lucarne du gardien de la Corogne, à 3 secondes de la fin du temps réglementaire, Djorkaeff permet au Paris Saint-Germain de mener 1-0. Mais bon, faut quand même bien gérer cette deuxième demi-finale. Et dans un parc aussi plein pour cette demi-finale, Paris qui fait le job et qui gagne 1-0 grâce à Loco. Ouais, ouais. Voilà. C'était un superbe match aussi là. Oui, celui-là, ouais. Là, il aurait pu avoir 2-3-0, hein, si je me souviens. Ah oui. Il y a eu 15-0, hélas, mais jusqu'à la dernière minute, t'as tremblé un peu pour Paris. Mm-hmm. Et tu t'es dit, putain, si les autres y marquent, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Et en fait, bon, on se qualifie quand même, mais c'était ric-rac, hein, comme disait, comme dit Christian Jean-Pierre. Ah ouais. tu mets un but un peu à la dernière seconde, en fait, avec Djorkaeff qui a pris justement son surnom The Snake grâce à la frappe là, ouais. La frappe, comment dire, brossée de l'extérieur ou de l'intérieur, je sais plus comment est la frappe. Et au match retour, tu mets juste un but. Et tu te dis que ça s'est joué à rien en fait. Et ah toi, oui, au final, c'est sûr, grâce à deux petits détails du match qui font la différence. Tu vois des détails en fait que Paris n'avait jamais réussi à faire les années d'avant en fait. Quand ils partent contre Arsenal en 94 où ils avaient sûrement une équipe meilleure je trouve. Hein. Avec Ginola, Ouéa en 94, ils ont le match retour au parc contre Arsenal et ils se font sortir. Non, match aller au parc et au match retour à Highbury. Ouais. Et ils arrivent à rien, je veux dire, ils arrivent à rien du tout. Et puis les actions qu'ils ont, ils les mettent tout à côté. Voilà. Et là, sur des détails comme l'OM en 93, par exemple, ils arrivent à marquer, tu vois. Et tu sens qu'ils vont aller au bout, tu le sens, quoi. Et donc, ça s'était joué le lendemain de la demi-finale de Nantes-Juventus, je me souviens. Et le Paris Saint-Germain qui va pour la première fois de son histoire en finale d'une coupe européenne et va rencontrer le Rapide de Vienne, surprenant vainqueur de Feyenoord. Donc ils avaient fait un partout au match aller et ils avaient gagné 3-0 avec un Kersten Janker en feu lors du match retour. Ils avaient gagné 3-0, voilà. Futur avant-centre du Bayern Munich. Bayern Munich, qui n'était pas trop connu à l'époque encore. Ouais. Mais voilà, le Rapide de Vienne, qui n'avait pas non plus une équipe de touristes, hein. Il y avait Trifon Ivanov, je me souviens. C'est Stéphane Schwartz qui avait... L'équipe. Non, au milieu de terrain, là. Ou un... Tu sais, il y avait un Autrichien connu, pas un Suédois, mais... T'avais Kubauer, je me souviens de lui, t'avais... À part Trifon Ivanov, ouais. Trifon Ivanov, et puis Junker, le reste... Il y avait un milieu de terrain et le gardien de but, surtout, en fait. Kunzel, ouais. Le gardien de l'Autriche, ouais. Ouais. C'était pas lui, non. J'allais dire celui qui ressemble à George Clooney, mais non, c'est pas lui, non. C'était le gardien de la Grèce, tu te rappelles? Qui ressemblait à George Clooney. Oui, d'accord. Tu vois, bon, c'est... Et donc là, Paris qui gagne cette finale 1-0 sur ce fameux coup franc de Bruno Ngoti, la 29e minute. Se parle. Kubauer qui va sortir sur la frappe, le frappeur. Reculé, lui dit Monsieur Perretto. Allez, c'est parti. Allez, oh oui, allez. Oh, but. Oh, quel oh, but. Quel but. But de oh, Bruno Ngoti sur ce coup franc au ras du piquet. Oh, quel à la 28e minute. Oh, quelle frappe de Bruno Ngoti. Oh, quel but merveilleux du défenseur parisien. Et voilà, bon, bah, Paris qui gagne 1-0, mais le match en lui-même était pas... Bah, c'était un événement pour un Paris. Hein, ouais, c'est un sacré événement, mais après le match en lui-même, je m'étais un petit peu ennuyé dans cette finale. Brouillon. Ouais. Ouais, il y avait beaucoup de ratés. En plus, t'as un des meilleurs joueurs au bout de 5-10 minutes, et qui se blesse, il se fait un claquage, je crois, ou il a une contracture derrière la cuisse et il arrête. Tu vois, la créativité, déjà, elle en prend un coup. Et sur le terrain, il reste Deli Valdés et compagnie. Donc, tu te dis, on va marquer, mais si quelqu'un marque, ça sera Djorkaeff. Voilà. En fait, finalement, c'est Ngoti qui marque sur un truc, auquel tu penses pas du tout, quoi. Bah. Même le gardien de but, Kunzel, bah quand il a vu le tir, il s'est dit, il va jamais tirer. Ouais, c'est sûr. Et puis, il arrive à frapper, d'assez loin, en plus, il arrive à marquer. Et dans les dernières minutes de ce match-là, c'est le Rapide de Vienne qui avait la possession de balle et il pouvait marquer à n'importe quel moment. Hein. Ouais. Ça a été la fin, c'est chaud. Hein, ouais. Et là, tu vois, attends, c'est qui? C'est Denisot. Il tient plus en place. Sur le banc de touche. Sur le banc de touche, il tient plus en place. Il est complètement. Il a qu'une hâte, c'est que ça se termine, quoi. Même le Fernandez, il tient plus en place, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Et puis Fernandez, t'as vu qu'il avait subi en fait Le fait qu'on lui ait ajouté Yannick Noah à l'époque, ça a Oui. complètement. Ah oui. Je veux dire, ils étaient pas à l'aise dans la préparation de PSG. Tu sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Mais ils avaient pris Yannick Noah parce que pas longtemps avant, la France avait gagné en Coupe Coupe Davis. Davis. Ils se disaient qu'avec Yannick Noah, ils réussiraient à apaiser les joueurs, essayer de faire une préparation mentale différente. Bon, est-ce que ça a marché? Je Sais sais pas. pas, mais je me souviens qu'à la fin, t'as Yannick Noah sur le terrain en train de danser avec Pascal Nouma dans les vestiaires, Ouais. Ouais, ça chante, ça ça danse. chante, voilà, ouais. Ils avaient même créé un chant de supporters au parc pendant qui a duré 1 ou 2 ans, Ouais. là. C'était yeah, tu sais. Et Ouais. dans les Ah oui. tribunes, t'entendais ça, c'était génial, quoi. Franchement, quand moi j'allais au parc et qu'il y avait cette chanson, là, mais Bah c'était voilà. voilà, c'était une chanson de l'époque qui a duré pendant 2 ans, jusqu'à la fin de la génération, là. Mais ouais, le truc qu'il y avait, c'était avant la préparation du match, il y avait des joueurs qui supportaient plus Luis Fernandez, en fait. Il y Oui. avait Bah c'est pour ça, de toute façon, l'année suivante, il partira parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de tensions. Et même quand il est revenu au Paris Saint-Germain, à la fin, quand il est parti, il s'était pris la tête avec beaucoup de joueurs de toute façon, hein. ouais. Ah, c'est sûr, tu sentais que comme la fin du championnat avait été partie là, avec Ouais. Auxerre qui était repassé devant, Voilà. tu te disais que si ça se trouve, ils allaient laisser passer la Coupe des Ah Coupes. ben c'est sûr, hein, c'est sûr. Voilà, 1-0, quoi, c'est petit, quoi. Mais en même temps, une finale qui se gagne 5-0, est-ce que tu as un aussi bon souvenir que. Moi je me souviens d'un 5-4 Liverpool à l'Alavés en 2001, en Coupe UEFA, mais un 5-4-5-0 à part si Milan-Barça en Ouais. Coupe d'Europe, mais Après ça, c'était un sinon... chef-d'œuvre ce match. Ah C'était ben, de toute façon, tactiquement, c'était un chef-d'œuvre ce le match. Barça était venu aussi la fleur au fusil, Ouais. ils se disaient on va gagner, ouais, enfin tu parles. T'avais des Voilà. génies sur le terrain là, c'est incomparable. Ce match-là, voilà, il est Non, moi, exceptionnel. je sais pas. Tu vois, c'est bête, hein, mais moi, je compare ce match à une finale de Coupe de la Ligue. Je sais pas, je te promets. Le À la fin, 4-0? t'as une Coupe d'Europe, mais je veux dire, PSG Rapid de Vienne, Ah pour moi, oui. Ah bah c'est comme oui. PSG Saint-Étienne, quoi. C'est une finale de Coupe de Bah, de la toute façon, Ligue. quand tu regardes les premiers temps quand les premiers temps de la Coupe de la Ligue, ça se finissait toujours à 1-0, hein. Paris, ils avaient, non, la saison 94-95, Ouais. Paris bat Strasbourg 1-0. En Coupe de la Ligue, ils battent non, c'est Bastia ou ouais, c'est Bastia en Coupe de la Ligue, ils battent 1-0. Enfin, tu vois, c'est Ouais. vraiment des matchs pas beaux à voir, mais bon, ils arrivent à Ouais. gagner sur un petit fait de match. Voilà quoi, c'est Surtout la qualité de jeu, hein, c'est ça, hein. T'aurais voilà. pas dû une finale de Coupe d'Europe, en Non, non, fait. non. Et il pleuvait. Il pleuvait, le terrain était trempé. Ouais. Voilà, bon. T'as des Ouais. souvenirs un petit peu, Yaya, de ce match Contre un rapide. Ouais. Rapide de Vienne. Bah, j'ai regardé parce que c'est une équipe française, Voilà. mais mon souvenir, c'est que, comme je te dis, c'est pas une finale qui m'a resté dans les annales. Non. C'est plutôt le seul souvenir, comme vous dites, c'est le coup franc de Ngoti. Mais bon, voilà, donc un match brouillon, et puis le Fernandez qui danse, et puis qui, comme il voit pas le moment que ça se termine, et puis ouais, Yannick Noah, et puis Denisot, et puis voilà, c'est Et ça, puis quoi. bah ça fait une nouvelle équipe française qui remporte une Coupe d'Europe. Et puis bon bah je sais pas si maintenant on en reverra une remporter une Coupe d'Europe, mais bon c'est des bons souvenirs. C'était une saison complète où t'as eu deux équipes françaises en finale d'une coupe. Il y en a une qui a remporté, l'autre malheureusement qui a perdu, mais c'était beaucoup plus difficile. Pour moi, cette saison 95-96 est vraiment Enfin, pour moi, c'est la meilleure des saisons que j'ai pu voir niveau football, quoi. Après, j'ai pas trop d'engouement pour d'autres saisons. J'ai pas trop de souvenirs. Peut-être si 2003-2004, on a eu Ouais. Marseille et Monaco en finale Avec d'une. Marseille, ouais, c'est le meilleur. Voilà. Et encore, il y avait une très belles équipes dans les deux camps. Voilà. Mais sinon, ouais, c'était cette saison-là, elle est géniale, quoi. Si, Ouais, si, c'est moi, encore. Vas-y. Pardon, vas-y, Gabi, Non, vas-y. non, vas-y, je te laisse. Non, mais comme tu me parles de match qui m'a. Si, si, c'est un match qui. Bon, c'est un peu plus tard, mais bon, c'est Monaco, Real de Madrid avec. Ouais, bah saison 2003-2004, ouais. Avec Jérôme Roten et puis Julie, je crois, qui avec l'équipe de Zidane, bah les. À l'époque, comment je sais plus comment on appelait le Real de Madrid, les Galactiques. Les Galactiques, et donc avec Ronaldo, et bon, c'est des souvenirs aussi de. Bah, je trouvais que c'était vraiment. Ça m'a fait penser un tout petit peu au match de Bordeaux Milan, mais c'était pas pareil, c'est un peu le même contexte, mais bon, je trouvais que c'était Monaco avait bien joué le coup, et pareil, le Real Madrid, je pense, était mis comme le Milan, du haut, ça va le faire, il n'y a pas de souci, puis en fin de compte, ils se sont fait niquer, vraiment niquer. Bien correct, ça c'est sûr. C'est le même sentiment que j'ai eu aussi. Ouais. Ah, c'était, voilà. Bon, c'est vrai que c'est 96, c'est une des dernières années où tu as les clubs français. Et puis t'as des clubs français avec beaucoup de français dans les équipes. Et puis même la première division avait t'as trouvé plus attrayante que maintenant. Je me souviens que par exemple Canal un mercredi soir rediffusait un Lens Le Havre. C'était pas forcément l'affiche la mieux du championnat. Mais t'avais plaisir à regarder cette affiche là parce que tu savais qu'il y aurait du beau jeu, quoi. Tu savais qu'il y aurait des buts, tu savais que ça jouerait au foot. Maintenant, Lens Le Havre, bon, ça fait pas rêver, quoi. Lens, t'aimes bien Lens. Je pense que tout le monde aime bien Lens. Ça fait comme Auxerre, quoi. C'est une équipe que t'aimes bien. Voilà, t'as une bonne ambiance dans le stade. Moi c'est pareil, c'est quand même maintenant, même s'ils sont en Ligue 2, mais que ce soit Auxerre, Nantes, Lens, c'est des bonnes équipes. Bah, Lens, Auxerre un peu moins, mais Lens, c'est vrai que bon, ils ont encore leurs supporters qui sont là coûte que coûte. Voilà. Mais c'est vrai que la première division avait un attrait beaucoup plus. C'était beaucoup mieux, t'avais plaisir à voir un match, tu t'emmerdais moins que maintenant. C'est surtout que t'avais des bons joueurs dans les équipes. Voilà. Et, tactiquement, t'avais des grands coachs qui étaient toujours en France. Et pour moi, t'auras, grâce à la Coupe du Monde, t'auras une première division, la saison 98-99, qui sera même encore meilleure, parce que t'auras ceux qui ont disputé la Coupe du Monde, t'en auras beaucoup qui viendront dans le championnat de France. Ouais. T'auras des joueurs improbables qui seront venus dans le championnat de France. La France aurait peut-être pas gagné la Coupe du Monde, t'aurais jamais vu ça, mais dans cette année-là, voilà, t'avais des bons joueurs dans chaque équipe, t'avais toujours un joueur clé, et ça donnait des beaux matchs. Malheureusement. Tu sais, il y avait un truc très très vrai qu'avait dit Giroud, comme toutes les choses vraies qu'il a dites. Dans une émission sur Canal Plus où il était invité, il a dit c'est pas parce qu'on met de la musique et des images dans tous les sens que le championnat anglais est forcément le meilleur d'Europe. Hein. C'est vrai. Et à l'époque, c'est exactement ça. On t'avait fait un packaging sur le championnat anglais avec toutes les stars cantonas, ceci, cela. Mais en Coupe d'Europe, ils valaient zéro. Ils étaient nuls. Bah oui. Ouais. C'est Arsenal sûr. Sortait jamais des groupes, par exemple, en Champions League. C'est vrai. Donc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a eu la chance, et on l'a encore, je pense, avec les centres de formation comme Nantes, qu'on parlait tout à l'heure, donc à forger quand même des bons joueurs. Ouais. T'as eu comment Auxerre, pareil, t'as eu Sochaux, donc il y a eu quand même en France quand même, ils ont quand même fait des centres de formation de qualité, je pense. Ouais. Il y a quand même des très très bons joueurs en France, quoi. Donc et voilà, c'est sûr. Je pense que c'est mon opinion. Voilà. Bon, ben on va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on a bien parlé de tous les parcours. On se retrouvera bientôt pour un autre podcast rétro. Hein. On verra. Vous serez prévenus de toute façon sur les réseaux sociaux de quelle saison on parlera. Bah merci à vous deux d'avoir participé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau rétro podcast. À bientôt. À bientôt. Ciao.